Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On se retrouve pour le débrief de l'avant-dernière course de cette longue saison. On arrive quand même au bout, la saison 2025, la 23e débriefing de la saison. Le Grand Prix du Qatar qui a eu lieu ce week-end, remporté par Max Verstappen devant Oscar Piastri et Carlos Sainz. Donc comme vous l'imaginez, il y a eu quelques petites choses qui se sont passées pour en arriver à ce résultat-là. On va revenir sur tout ce qui s'est passé le samedi, c'est pas passé grand chose, le dimanche c'est passé un peu plus de choses. Et on est trois pour le faire ce soir, il y a Franck avec moi, ça va Franck? Bonsoir tout le monde, écoutez oui on a eu un Grand Prix un peu particulier on va dire. Ou alors comment perdre un titre mondial en leçon par McLaren. On va pouvoir intituler ça comme ça, je crois. Et ouais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses à dire même si le Grand Prix était un peu figé en termes de stratégie, il y a quand même eu effectivement des choses assez intéressantes qui se sont déroulées. N'en déplaise à Manu, voilà, donc on est en soutien, on est là pour lui moralement et voilà, maintenant on a quand même un titre qui va se jouer entre trois pilotes pour la première fois depuis 2010 sur la dernière épreuve. Bon, on n'aura pas un final à la Abu Dhabi 2021, je pense, en termes de suspense non plus, puisqu'on ne part pas avec trois pilotes à égalité, mais voilà, les bases sont posées pour une belle fin de saison et voilà, et hâte d'en débriefer avec vous. Tout à fait, on a de quoi avoir une belle finale. Merci à Kelly Lovegood qui poste son premier message dans le chat. Merci à Septcent et à Partimod qui se sont abonnés également à la chaîne. Merci pour votre soutien. Et il y a aussi Alex avec nous ce soir pour débriefer ce Grand Prix du Qatar. Ça va Alex? Ça va, bonsoir à tous. On est tous excités et inquiets, excités pour tous les fans de F1 qui vont vivre une finale incroyable avec trois prétendants au titre pour la dernière course. Ça faisait 15 ans qu'on attendait ça. Excités mais aussi inquiets. Pour tous les fans de McLaren, et Manu, je te donne la parole. On a tous envie de savoir comment tu vas. c'est gentil. Effectivement, j'ai vu beaucoup de messages dans le chat me concernant. Alors, vous en faites pas. Je ne suis pas au fond du gouffre. J'ai pas vécu un très bon dimanche soir, à pas se mentir. Le Grand Prix était un petit peu douloureux à regarder en tant que fan de McLaren. Néanmoins, j'ai déjà un peu fait mon deuil de ce titre. Je crois que finalement, je serai en paix avec moi-même si jamais. Il faut. C'est la déception est dure à encaisser, donc là je crois que je suis prêt à l'encaisser une fois pour toutes. J'espère néanmoins que si défaite de McLaren il y a, ce sera bien Max Verstappen qui va gagner et pas Michael Masi qui va revenir nous faire un deuxième Abu Dhabi, un deuxième spectacle à Abu Dhabi. Plus sérieusement évidemment c'est surtout l'occasion d'avoir une très très belle finale, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas eu tant de finales d'Abu Dhabi sur lesquelles les titres s'est décidé. Il y a eu 2010 avec les trois prétendants, enfin quatre même techniquement parce qu'Hamilton était dedans, mais c'est surtout Weber, Alonso, Vettel. Il y a eu 2014 avec les points doublés. Il y a eu 2016 avec le titre de Rosberg. Et il y a eu 2021, la fameuse course dont on parle à toutes les émissions de manière contractuelle. Nous n'avons pas le choix de le faire. Mais voilà, donc en tout cas, avant d'aborder évidemment tous les enjeux de cette finale hein, dont on parlera en fin d'émission, puisque c'est quand même on fera une espèce de projet, se projeter là-dessus, on va déjà commencer par parler de ce Grand Prix du Qatar et de son vainqueur, Max Verstappen. Un Max Verstappen qui n'en demandait pas tant, c'est-à-dire que lui était, a fait un week-end qui était encore une fois commencé assez difficilement avec un sprint un peu compliqué, une quali sprint pas comme il le voulait, une voiture qui était très compliquée à gérer. Et puis comme d'habitude, c'est vrai que c'est ce qu'expliquait Laurent Mekies, le week-end de Red Bull forcément va en progressant, on a pas mal d'idées sur comment faire avancer la voiture, ça fonctionne, et au fur et à mesure du temps, Verstappen continue à se rapprocher de la tête, troisième sur la grille, deuxième après le premier virage, et puis il a bénéficié, on y reviendra après évidemment, parce qu'on en parlera au moment de McLaren, d'une voiture de sécurité et d'une erreur monumentale de McLaren pour ensuite se retrouver tout seul en tête et dérouler une course, Franck, qui n'avait sûrement pas imaginé dérouler aussi facilement, on va dire. Oui, c'est clair. Déjà, il soulignait le départ qui a été vraiment très très bon. Alors maintenant, Norris était clairement du mauvais côté de la piste. Hein. C'était le côté intérieur était vraiment moins de grip, moins d'adhérence pour quasiment tout le monde. Donc c'est vrai que Max en a un petit peu profité. Ensuite, au premier virage, ça a été extrêmement propre. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de d'anicroche entre les protagonistes. Mais ensuite, voilà, c'est. Je confonds avec le départ du sprint. Suis-je bête? Non, le sprint. Voilà. Mais, en l'occurrence, Norris était bien en côté sale, là. sur le début de la sur le départ de la course. Oui, ah oui, non, Verstappen double Norris. Ouais, ouais. Exact. Non, c'est tout bon, c'est tout bon. Oui, effectivement, on n'a pas parlé du sprint. En fait, le sprint, on peut en parler. Je comptais en parler un peu au fur et à mesure de chaque équipe, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose samedi. Hein, donc, c'est vrai que le principal événement était surtout la course hier. Mais effectivement, le sprint était plutôt décevant pour Verstappen. Ouais. Hein. Il se qualifie derrière Tsunoda. Ouais, pas oublié, sixième. En quali sprint, hein, ça c'est quand même incroyable. Oui, c'est ça. Tsunoda, effectivement, Tsunoda le laisse passer assez rapidement. Et puis, voilà. Non, ouais, non, je ne sais pas pourquoi je suis confronté là. Et quand il y aura 4 courses par week-end, ça va devenir compliqué. C'est ça. Sûrement parce que c'est la 29e course de la saison. Et du coup, c'est un peu juste compliqué. Pour rester voilà, du coup, sur Verstappen et sa performance, quand même, c'était quand même bien parce que c'est vrai qu'ils étaient assez mal partis côté réglage. Ils ont quand même bien redressé la barre comme chez Red Bull, comme ils arrivent à le faire assez souvent maintenant. Maintenant, la McLaren restait quand même la voiture la plus performante hein, ce week-end, clairement. La plus rapide en piste. Mais bon, il a quand même tenu le rythme, Max. Bah, profitant clairement, personne ne dit le contraire de la bourde, du sabordage, de tout ce que vous voulez de McLaren, qui a effectivement, en fait, on a eu ce que je disais à Manu pendant le live, c'était la tempête parfaite en fait. La tempête parfaite, c'était l'accrochage qui provoque une safety car au 7e tour, qui fait qu'avec cette règle imposée par Pirelli avec en concertation avec la FIA et les équipes, donc on pouvait pas faire plus de 25 tours avec les pneus. Donc avec un Grand Prix à 57 tours, ça nous faisait donc 7 plus 25 plus 25, donc 7 tours d'effectués, voilà, pour ceux qui ne savaient pas compter en direct à l'antenne. donc voilà, 7 tours complets effectués, plus 25, plus 25, tout le monde s'arrêtait à la fin du 7e tour, tout le monde s'arrêtait à la fin du 32e tour, et donc du coup effectivement ça nous a figé les stratégies, et du coup ben voilà, Verstappen ne profite pas de la bourde de McLaren, Verstappen par contre profite bien de la bourde de McLaren, qui ne profite pas de cet arrêt gratuit. Il va dérouler devant sans aucun problème, quoi, avec un rythme de course qui était quand même très très impressionnant pour voilà, par rapport au McLaren. Ouais. Donc franchement, il n'y avait rien à dire. Il fallait qu'il gère au maximum. Il n'y a pas non plus une prise de risque démesurée à prendre, parce que voilà, McLaren s'était vraiment mis dedans de manière assez costaude. Et voilà, et donc il a été impérial pour sa gestion de course. Et puis bah, voilà, il fallait prendre 25 points. Il a pris 25 points. Moi, je veux quand même dire, je suis d'accord sur le départ, sur effectivement la capacité de Red Bull à progresser en termes de réglage, puisque surtout du côté de Verstappen qui s'est donc qualifié derrière Tsunoda. Mais en termes de rythme de course, moi j'ai trouvé la McLaren plus décevante, en tout cas la Red Bull meilleure que prévu. Verstappen n'arrivait pas, enfin les McLaren n'arrivaient pas à creuser l'écart deuxième, même troisième relais sur Verstappen, même sans Zersal. Donc le rythme de la Red Bull, hein, pour moi, il était quand même meilleur que prévu. La McLaren n'avait pas un avantage extraordinaire en rythme de course. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils ont tenté ce pari. On y reviendra de la flexibilité, ce qu'ils pensaient peut-être aussi revenir. Anna Schmidt a dit en rythme pur sur la Red Bull. Ce n'était pas le cas. La Red Bull était plus rapide que prévu quand même. Peut-être pas au niveau des McLaren, mais à mon avis, vraiment pour l'un derrière en rythme de course. Et c'est ce qui peut rendre aussi Verstappen optimiste pour Abu Dhabi. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Je pense même que la Red Bull était au niveau. C'est-à-dire que... On a vu les pilotes McLaren capables de faire un ou deux très bons tours et ils l'ont un peu déposé quand leur pneu était neuf, mais sinon globalement c'était pas net. Quand elles avaient des pneus neufs, elles n'arrivaient pas à creuser. Quand elles avaient des pneus plus usés, elles n'arrivaient pas à le retenir et ils revenaient. Donc pour moi la Red Bull était au niveau de la McLaren en course, ça c'est sûr. Mais bon, après les gens retiendront pas forcément ça, mais c'est vrai que factuellement il y avait une équité, je pense, de niveau ou pas loin en tout cas. Et puis, de toute façon, il y avait aussi la faculté qu'avait Verstappen de pouvoir gérer, parce que lui, justement, il n'avait que Sainz derrière lui, qui était à des secondes et des secondes, là où les pilotes McLaren n'avaient pas d'autre choix que tenter d'attaquer à tout prix, de foutre la voiture directement dans une mauvaise fenêtre, parce que les pneus ont vite surchauffé aussi, hein, sur un circuit pareil. Et voilà, donc il n'y avait aucune chance, de tenir pour les pilotes McLaren. Et donc, effectivement, on laissait Verstappen avec cette facilité, on va dire, logique, hein, de gestion. Bon, je pense qu'au niveau de la course de Verstappen, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, parce que de toute façon, ça a été propre, hein, comme d'habitude. Après, c'est Verstappen, il a été très propre au départ, bravo à lui. Il a fait ce qu'il fallait. Je tiens quand même à rendre hommage à Anna Schmidt, hein, qui est la chef stratège de Red Bull, qui est montée sur le podium... aller chercher le trophée constructeur et elle a très bien expliqué dans un article qui a été publié sur le site, voilà, elle était sûre de prendre la décision. On lui a dit, mais tu es sûr parce que des McLaren, etc. Non, non, je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr. Mmh. Voilà, cette victoire-là, hein, c'est pas que la sienne, mais c'est peut-être quand même surtout la sienne aussi. Donc, coup de chapeau à peut-être une des femmes les plus talentueuses du paddock. En tout cas, alors, plus talentueuse. Alors que c'est le Grand Prix sur lequel, ouais. Alors que c'est le Grand Prix sur lequel elle a le moins bossé, quoi. Un arrêt, après c'est déterminé. J'ai plus rien à faire. Mais une bonne décision, on sait que ça peut tout changer en Formule 1. Là, c'est le cas. Alors, Sebrett Etiquette pose une question intéressante. Pourtant, Max se plaint toujours beaucoup de sa voiture et de son comportement bluff. C'est pas du bluff. C'est un peu comme Hamilton à l'époque où il était dans sa période de domination et qu'on entendait toujours dire que ses pneus étaient morts et tout ça, et puis qu'ils faisaient des meilleurs tours. En fait, c'est juste que quand c'est des pilotes qui sont à ce niveau-là et à ce niveau-là de fluidité avec leur voiture, chaque truc compte et chaque truc est ressenti par le pilote. Et au final, je pense que c'est une des grandes forces de Verstappen, c'est d'avoir une très très bon, très bon ressenti de sa voiture. De la même manière que Hamilton l'avait et que d'autres pilotes avant eux l'ont eu aussi, les Schumacher notamment. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre les très bons et les tout bons du plateau. Et oui, Yves, on peut pas effectivement. Moi, j'ai vu aussi le clin d'œil de l'ingénieur responsable de stratégie qui monte sur le podium quand McLaren perd la course à la stratégie. Si c'était pas fait pour ça, c'était bien vu quand même. mais effectivement, voilà. Donc, rien à dire du côté d'Anna Schmitz qui a très très bien géré ce moment de doute qu'elle a eu et qu'elle a admis de voir les McLaren rentrer au stand, mais de ne pas avoir cédé à sa décision qui était la bonne et qui était logique. Hein. On a immédiatement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des foires aux commentaires un peu spéciaux de la part des commentateurs professionnels, notamment, je pense à David Croft, qui a dû attendre quasiment le 45e tour pour dire il semblerait que Max Verstappen va gagner ce Grand Prix. Mais en fait, effectivement, dès que Verstappen s'est arrêté, que les McLaren ne sont pas arrêtés, c'était évident, ah oui. C'était sûr que sans problème, sans rebondissement, Verstappen allait gagner la course. Il n'y avait pas. Voilà, c'était la décision qu'il fallait prendre. Juste pour revenir sur un petit peu ça avant de passer sur Tsunoda. Imaginez l'accident Gasly-Hülkenberg qui arrive un tour plus tôt. Là, par contre, dans une foire stratégique pas possible parce que c'est du coup trois arrêts obligatoires. Ouais. Mm-hmm. Et là, par contre, ça nous aurait ouvert des possibilités absolument hyper intéressantes. Bah là, il y aurait eu du 2 versus 3, justement. Ça aurait été intéressant. Ça. Mm-hmm. Donc. Pourquoi du 2 versus 3, ça aurait été forcément trois arrêts? Bah non, ceux qui non, continuent, il y en a qui auraient pu rester là-bas. Ah oui, non, je parle en termes d'arrêt, oui. En termes d'arrêt, on aurait été sur trois arrêts obligatoires du coup. Donc, y compris pour ceux qui s'arrêtaient, ouais. Ouais. Pour ceux qui s'arrêtent. Parce qu'il y en a qui auraient pu rester en piste comme McLaren l'a fait, et là, la décision de rester en piste aurait pu se justifier comme étant bonne, ce qui n'était pas le cas le tour suivant. Kelly Lovegood nous dit McLaren n'était pas dans la bonne position pour choisir comme Lewis en 2021 en Hongrie. Alors, ils n'étaient pas dans la bonne position pour choisir avec celui qui était en tête, mais celui qui était troisième aurait pu décider de suivre Verstappen. Ils ont pas voulu. Ils auraient pu aussi splitter les stratégies, mais ça, on en parlera. Ça, on en parlera après. On en parlera après. Donc voilà pour Verstappen. En tout cas, évidemment, hein, sur le plan comptable, ça fait deux week-ends où il ne franchit pas. Il n'est pas prévu pour franchir la ligne en vainqueur. Et puis finalement, soit il l'a franchi en vainqueur contre toute attente, soit il marque les 25 points dans tous les cas. Et il revient dans la course au titre. Il prend la deuxième place au championnat. Il est à 12 points de Lando Norris. Il est 4 points devant Oscar Piastri. Il sera donc candidat au titre dans la finale qui est la semaine prochaine. Pour Yuki Tsunoda, c'était un peu plus... Alors le week-end avait bien commencé, avec la seule séance de la saison où il a devancé Verstappen dans la qualif sprint, il le bat, il se qualifie 5e. Excellente performance de Yuki Tsunoda. Et puis comme d'habitude, au moment où tout augmente en termes de rythme, en termes de limites à trouver, etc., il s'effondre et forcément, Verstappen le bat largement. Alors, oui et non, parce que en qualif sprint, bon, il devance d'un dixième. En qualif, alors on est sur un circuit court, les écarts sont faibles, mais il finit à 3 dixièmes de Verstappen. Donc c'est pas la catastrophe, c'est insuffisant parce que ça le fait reléguer tellement les écarts sont faibles. En Q1, en 16e place, après ça reste 3 dixièmes face à Verstappen, ce qui n'est pas non plus le désastre absolu. Non, c'est sûr, c'est pas le désastre, mais quand les écarts sont plus petits, on attend que les écarts entre équipiers soient plus petits aussi. Malgré tout, ça fait qu'il y en a un qui termine en deuxième ligne et l'autre qui est éliminé directement dans les qualifs. Donc bon, voilà. Après, c'est pas non plus la catastrophe de l'année pour Tsunoda. C'est pas ça qui va. J'ai vu la question dans le chat. Est-ce que ça allait changer sa saison ou son avenir ? Non, c'est pas ça. C'est pas cette performance-là qui va décider de son avenir quoi qu'il arrive. C'est déjà décidé. Tout à fait, c'est déjà décidé. Alors évidemment, on a eu, j'ai plutôt parlé, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur sportif pour Tsunoda, à part ce que j'ai résumé, j'allais plutôt venir sur la partie son avenir, mais si vous avez déjà quelque chose à redire sur sa course, n'hésitez pas, messieurs. Non, c'est vrai qu'il était un peu plus proche que d'habitude. Surtout sur un circuit, il faut quand même avoir une bonne confiance dans la voiture, hein. C'est quand même un circuit quand même ultra rapide avec des passages où il faut envoyer un petit peu le pâté, comme on dit. Avoir confiance effectivement dans les appuis de sa voiture, dans le grip, et c'est sur ce genre de circuit-là finalement qu'il arrive à être un peu plus proche de son équipier. Là où je pense qu'il perd un peu plus de temps par rapport à Verstappen, ce qu'il a toujours un petit peu expliqué aussi, c'est un petit peu sur les circuits où il y a un peu plus de relance à basse vitesse ou de choses comme ça, plus de la motricité à gérer ou ce genre de choses où effectivement l'écart se creuse un petit peu plus. Mais sur ce circuit-là, effectivement, qui est hyper fluide, il y a aussi des passages où il faut vraiment y aller. C'est l'appui de la voiture qui vous donne confiance. Il est quand même assez proche, donc on peut dire qu'il a vraiment le courage d'y aller, en tout cas. Voilà, c'est un petit peu le sens de ce que je voulais dire. Voilà. Effectivement, c'est vrai qu'on a, y a eu ça qui était à noter. Alors, on a une question qui vient dans le chat, qui est comment Tsunoda il va faire une bonne quali sprint et faire pire en qualif. Ou comment il arrive à faire quelque chose en qualif et pas pour la qualif sprint et pas pour la qualif du GP. Alors forcément, la question se pose, parce qu'effectivement, on se dit, il a réussi à se mettre dans le bain dès le vendredi, on peut espérer que le samedi, il soit encore là. Sauf que, il faut savoir que le parc fermé est rouvert, enfin, il est stoppé entre le sprint et la qualif, et donc les équipes peuvent bouger les réglages sur les voitures, donc tout le monde progresse, tout le monde arrive à faire un peu mieux, tout le monde arrive à aller plus vite, à trouver une meilleure limite, etc. Et en fait, ça va autant jouer, c'est presque comme si on attaquait un deuxième week-end à ce moment-là. Et là où Verstappen a eu du progrès, on a vu la pole du samedi était plus rapide de 7 dixièmes que la pole du vendredi. Donc c'est énorme, hein, 7 dixièmes, c'est quand même ce qui couvrait 3 quarts de la grille, on va dire. Et forcément, si un pilote progresse moins dans ses réglages et moins dans sa progression de voiture que les autres, il va reculer. Et c'est ce qui s'est passé pour tout le monde. Pour info, en qualif sprint... Dans la Q1 de la qualif sprint, Tsunoda fait 1:21.458. Dans la Q3 du sprint, il fait 1:20.519. Et son chrono de Q1, c'est 1:20.761. Donc il est à 2 dixièmes près aussi rapide en SQ3 qu'en Q1. Ça veut dire qu'à quel point en fait il faut aller plus loin. Donc ce n'est pas forcément qu'il a régressé, loin de là, c'est que les autres ont beaucoup plus progressé, ont trouvé du chrono, etc. C'est clairement ça qui fait la différence. Voilà. Et pourquoi il ne progresse pas? Parce qu'en fait, il est plus en difficulté avec le fait de trouver la limite, ce qui est la caractéristique de beaucoup de pilotes Red Bull aux côtés de Verstappen, qui ont plus de mal à trouver la limite, qui donc ont du mal à faire progresser la voiture de manière à être à l'aise avec. Et des fois, en faisant c'est ce qu'il expliquait aussi dans le... il y a quelques grands prix de ça, c'est que quand des fois il arrive à faire aller la voiture plus vite, le problème c'est qu'en étant plus vite, il est plus en difficulté parce que il est moins à l'aise par rapport à la limite de la voiture et par rapport à sa propre limite. Donc voilà, c'est un peu ce genre de choses. Pour résumer, quand il va plus vite, il va moins vite. C'est exactement ça, c'est une science assez complexe, mais c'est exactement ce qui se passe. Côté avenir, on en parlait maintenant. Alors voilà, Yuki Tsunoda qui du coup voit son avenir un peu assombri par les annonces qui arriveront demain, hein, qui seront assises sur Next Gen Auto évidemment, puisque demain Red Bull et Racing Bulls vont annoncer leur pilote et a priori le grand perdant de l'histoire sera Yuki Tsunoda. Je te laisse Franck nous faire un petit topo de ce qui est à attendre. Bon, sans surprise, hein, nos amis français, Isaac Hadjar arrive donc aux côtés de Max Verstappen, ça je pense qu'on peut l'affirmer à 100% aujourd'hui. Donc voilà, nouvelle réglementation, remise à zéro, timing parfait pour Isaac qui a largement prouvé cette année qu'il avait les reins solides. C'est vrai qu'en début de saison, quand on le propulsait déjà dans ce baquet-là, on se disait tous que c'était un peu trop tôt, qu'une deuxième année chez Racing Bulls, ce serait pas de mal, ça lui ferait pas de mal. Et puis finalement, voilà, comme il s'est vraiment affirmé, comme voilà, il est vraiment solide, je pense qu'effectivement, le propulser dès maintenant chez Red Bull, avec la faveur de la nouvelle réglementation aussi, c'est aussi ça aussi qui édulcore un petit peu ce passage. Hein. Vous balancez Isaac dans une Red Bull que Max Verstappen connaît par cœur, c'est pas la même chose. Là, les deux sont presque à égalité, je ne vais pas dire à égalité, mais presque à égalité en termes de connaissances sur le comportement à attendre de cette voiture. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Maintenant, on espère que ça se passera bien mieux que pour tous les équipiers de Verstappen avant lui. J'ai un peu plus de confiance dans le fait que c'est Laurent Méquès qui gère l'équipe maintenant, plutôt que Christian Honor, pour effectivement faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour Isaac. Isaac a aussi des faveurs d'Helmut Marko, donc j'ai envie de dire que cette promotion se passe sous de meilleurs auspices que toutes les précédentes qu'on a pu vivre ces dernières années chez Red Bull. Donc en tout cas, sur le papier, de ce qu'on sait, ça s'annonce plutôt, enfin, une arrivée positive. Personne n'est en train de là de dire, ah, bon, attention quoi. Là, non, ok, c'est plutôt quand même perçu de manière positive. Du coup, Yuki Tsunoda se serait retrouvé donc du coup sans baquet et était quand même encore candidat à baquet chez Racing Bulls, même si il n'a logiquement plus rien à faire dans la filière. Mais bon, il a quand même bien progressé ces derniers temps. Il a eu quelques soutiens du côté de Laurent Méquès, mais voilà, apparemment ça a été tranché. C'est quand même Arvid Lindblad qui aura le baquet Racing Bulls aux côtés de Liam Lawson, qui lui aussi a été beaucoup plus solide depuis qu'il a été rétrogradé de Red Bull Racing jusqu'à Racing Bulls. Et voilà, Yuki Tsunoda, le point d'interrogation qui nous reste encore à tous à découvrir, et vous l'avez certainement lu sur Nagi Noto il y a quelques jours déjà, bien avant ce que vous avez pu voir dans les médias aujourd'hui, c'est que Honda pèse de tout son poids pour que Tsunoda reste peut-être en tant que pilote de réserve. Grâce à une particularité technique qui s'appelle les tests TPC, c'est-à-dire que comme les anciennes F1 qui peuvent rouler doivent avoir au moins 2 ans, c'est Honda qui fournit le moteur et Red Bull n'aura pas de moteur pour ces anciennes F1 sauf selon Honda. Donc voilà, il y a une négociation un petit peu qui se passe en coulisses, enfin en tout cas, je suppose qu'il est terminé quand même, parce que si les annonces vont avoir lieu demain, c'est que c'est terminé. Pour que Yuki Tsunoda puisse rester au moins en tant que réserviste de Red Bull en échange effectivement d'un moteur Honda qui serait livré à un prix pas trop astronomique à Red Bull pour ses monoplaces, parce que rappelons que pour former ces jeunes pilotes et faire ces essais privés, ils n'ont pas d'autre choix, donc voilà, c'est certainement une contrepartie qui sera annoncée. C'est pas encore garanti, mais c'est en tout cas comme ça que cela se profile, donc l'annonce devrait avoir lieu demain dans la matinée, je crois. On va commencer à surveiller à partir de 9h, mais ça risque de tomber assez tôt. Et effectivement, bon, Lindblad, moi je suis pas ultra. J'ai vu dans le chat, on me demandait un avis sur Arvid Lindblad. Je suis un peu sceptique. Je vous avoue qu'il m'a pas transcendé en F2. C'est pour ça que les débats ont duré assez longtemps. Hein. Maintenant, des pilotes qui ne transcendent pas en F2, il y en a eu l'an dernier, hein, je pense à Berman et Antonelli, qui pourtant sont d'excellents pilotes de F1. Du coup, ça me choque pas non plus. Red Bull ne se base pas que sur la F2. Hein. Exactement, c'est pour ça que je suis... Après, bon, le problème, c'est que Red Bull se base sur Helmut Marko, on y reviendra. Mais voilà, je pense quand même que Lindblad est bon, il est très rapide, il a montré ce week-end de très bonnes capacités de gestion des pneus, parce qu'il s'est retrouvé à devoir gérer vraiment très très longtemps un train de pneus, et il l'a bien réussi. Donc effectivement, là-dessus, il n'y a pas trop de débat sur le fait que faut le tenter. Hein. On nous pose la question aussi pour quel intérêt pour Honda d'avoir un pilote de réserve. Alors moi, j'aimerais plutôt dire qu'un intérêt surtout aussi pour Red Bull d'avoir un très bon pilote de réserve comme Tsunoda qui est capable de sauter dans une monoplace comme dans l'autre. Imaginons l'an prochain que Arvid Lindblad ne fasse pas l'affaire, Tsunoda pourrait très bien revenir titulaire. Ce serait absolument pas, c'est pas absolument pas improbable. Donc voilà, les bons pilotes aujourd'hui sur la grille se font rares, hein. Ou alors on les laisse filer, quoi. Donc voilà, Tsunoda chez Aston Martin, sachant que Jack Crawford a été confirmé pilote de réserve pour l'année prochaine, ça prouve déjà bien que la porte s'était verrouillée de ce côté-là. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt pour Honda d'avoir un pilote de réserve chez eux. C'est surtout que Honda et Tsunoda, c'est un peu une histoire d'amour et qu'ils se soutiennent comme ça. Et que voilà, ça permet à Honda d'avoir encore un pilote japonais, plus ou moins sur la grille, ou en tout cas dans le paddock. Et qui gardera quand même cette étiquette Honda. Voilà. Puis imaginons que Verstappen soit pas au niveau l'an prochain et Tsunoda peut le remplacer. Face à Hadjar, oui, effectivement. Ça peut aller vite, la spirale. Grosse cote, là. Attends, tu mets 20 balles? Ah non. Alors, j'attends de gagner le pari de grâce à Manu, là, de l'argent qu'il nous doit. C'est ça. Tu pourras les réinvestir dans un autre pari. Ou Verstappen qui claque la porte parce que les règles de 2026 ne lui plaisent pas. Et ça, il a clairement dit, hein, je ne suis pas un fin pour durer. Si le règlement ne me plaît pas, hop, bam. Donc il y a peut-être cette hypothèse qui peut rentrer en jeu. Hein. Je vois qu'on parle des jeunes pilotes Red Bull derrière qui ne sont pas assez bons. En fait, qu'on garderait Tsunoda parce que Goethe, Marty, tout ça, Solov sont pas assez bons ou prêts. Petite pensée pour Ayumu Iwasa, hein, qui a été champion de Super Formula cette année, qui fait tout ce qu'il faut et qui ne va juste pas avoir sa chance. Et je trouve ça bien triste, parce que pour moi, à titre personnel, puis pour en finir avec mon avis sur la Vindin Blad, je pense que celui qu'il a fallu mettre dans cette voiture, c'est Iwasa. Le mettre avec Lawson pendant un an et voir ce qu'il faisait, parce que, à mon avis, on passe à côté d'un excellent talent, parce qu'encore une fois, on ne devient pas champion de Super Formula au hasard. Et voilà, je trouve que c'est dommage parce que. Et je trouve même dommage que finalement ce soit pas lui qui hérite du soutien de Honda par rapport à Tsunoda qui certes est plus expérimenté, mais on a peut-être fait un peu le tour de Tsunoda. Et Iwasa, ça aurait été intéressant de voir ce qu'il pouvait faire. Oui, et puis Tsunoda dans une équipe qui est censée être l'équipe junior, évidemment, aussi en termes d'image, c'est un peu bizarre quoi. Mais ils te diront que ce n'est plus l'équipe junior, c'est vrai l'équipe sœur. Donc forcément, c'est l'équipe pas. Sœur, mais petite sœur quand même. Hein. Ouais, petite sœur. Petite sœur. Ça. Petite sœur qui copie pas mal de choses. Non, voilà. En tout cas, oui, Iwasa est champion de Super Formula, Kelly Lovegood. Donc il a été champion, il a fait ce qu'il fallait pour avoir un baquet en F1 et il ne l'aura pas. Et c'est un peu triste. C'est un peu dommage pour lui. Donc voilà, en tout cas, je ne refermerai pas cette page Red Bull, évidemment, sans m'en prendre à Helmut Marko, puisque... Et l'Ambiase aussi. Comment ? Et l'Ambiase aussi, tu peux y aller, je pense. Hein. L'Ambiase, j'y vais, mais avec une petite nuance que je ne mets pas sur Marko. Puisque effectivement... Ah, j'ai hâte d'entendre ton discours non nuancé. Puisque, donc évidemment, Lando Norris était cinquième de la course jusqu'à avant l'antépénultième tour de la course, au moment où Andrea Kimi Antonelli a fait une erreur, l'a laissé passer. Et évidemment, chez Red Bull, on ne peut pas avoir la victoire totalement propre, apparemment. On aime bien quand même trouver un petit truc à redire ou à faire. Et c'est d'abord Jean-Pierre Lambiase qui a dit qu'il était étonné de voir Antonelli se faire passer par Norris et qu'il se demandait s'il n'avait pas laissé passer. Alors, ça a été un peu raccourci par la réalisation de la F1, mais sa phrase en verbatim n'était pas bien différente de ce qu'on a vu. Et après, on a eu un Helmut Marko qui a passé toute sa après-course dans le paddock à dire que de toute façon, Antonelli avait fait exprès de laisser passer Norris pour lui donner 2 points parce que vous comprenez, moteur Mercedes, vous comprenez, du coup, c'est un complot. Évidemment, les bas du front des réseaux sociaux ont écouté Helmut Marko. Hein, ils ont sûrement dû voir d'un bon œil son commentaire. Et ils ont décidé de faire en sorte que son complot de Marko était en fait une réalité. Ils sont allés directement s'attaquer au pauvre Antonelli qui s'est retrouvé insulté, menacé de mort, comme d'habitude harcelé, au point d'en quitter Instagram provisoirement. Il a enlevé sa photo de profil, il a fermé son compte, en gros il se passe plus rien dessus pour l'instant. Et voilà, donc 1100 messages à peu près répertoriés. Ouais. Donc déjà pas bravo aux gens qui sont cons, hein, pas bravo aux gens qui sont débiles et qui menace de mort un pilote de F1 pour un truc dont pour une raison qui est quand même sportive au départ. Pas bravo à Jean-Pierre Lambiase qui le dit un peu à chaud et qui le dit sur un ton très affirmatif quand même, je trouve. Quand même assez affirmatif et qui en plus derrière ne dit pas ce qui aurait été facile de dire en gros oui non mais je rigolais voilà. Donc pas de démenti de sa part, et pas bravo à Helmut Marko qui met les pieds dans le plat et transforme ses fantasmes les plus grands en complot totalement débile. Et pas bravo à Red Bull dans son communiqué qui ne cite pas vraiment qui. Effectivement, Marko s'est profité d'une interview sur F1 Insider pour dire « Je suis désolé, c'était pas terrible, effectivement, et c'est pas ce qu'il a fait. » Mais bon, pas grand monde l'a vu parce que c'est pas une communication officielle. Et Red Bull a fait un communiqué d'excuses qui ne s'excuse pas en disant « Nous déplorons, en gros, la manière dont il a été harcelé, mais jamais en disant que c'est un lien avec ce qu'ils ont fait eux. » Donc voilà, du coup, carton rouge total pour ces gens-là qui n'ont toujours pas compris comment fonctionne Internet, qui n'ont toujours pas compris ce qu'on essaye de faire des communautés de la Formule 1 et qui sont juste des gens toxiques et bêtes et méchants. Ça vaut pour Marko et ça vaut pour les gens qui ont harcelé Antonelli. Donc voilà. Ouais, demain, on publiera. Voilà, la FIA a réagi, on publiera ça demain. C'est vraiment une spirale de toxicité un petit peu sur le ciel des réseaux avec la F1. Et vous verrez, il y a aussi une information en plus que je livrerai dans cet article, qui est maintenant on a aussi des sénateurs australiens qui montent dans la théorie du complot par rapport à Oscar Piastri chez McLaren, qui serait voilà, McLaren serait plus supporter de Norris. Bon, voilà. La théorie du complot était déjà connue, mais pourquoi de ça on vienne à monter au Sénat australien dans des questions au ministre on dépasse vraiment le cadre du sport un peu trop là. Donc, ouais. Voilà. Vous lirez ça demain matin, c'est assez affolant. Je trouve d'ailleurs que le communiqué de Red Bull est arrivé tardivement. Hein. Ouais. Il en faut du temps. Pour moi, c'est trop peu, trop tard. C'est-à-dire que, parce qu'on se rappelle de Zach Brown qui avait taclé Hülkenberg pour avoir soi-disant causé l'accrochage au départ des McLaren au sprint de Austin, et qui finalement, Hülkenberg n'était pas du tout responsable, et il s'était rétracté rapidement en s'excusant. Mmh. Il était allé le voir, il avait dit directement 2 heures plus tard que c'était pas lui. Et là, Red Bull n'a pas publié le communiqué dans la soirée. Le communiqué arrivait très tardivement, au moment où ils se sont vus qu'en fait, le shitstorm arrivait. Donc c'est juste une technique de communication pour neutraliser l'incendie, et rien de plus, il n'y a aucune sincérité dans ce message-là, qui n'en est pas du tout, qui n'est pas du tout une excuse. Et donc j'ai vu Kelly Lovegood qui demandait ce que Marco a dit. Tout simplement, Marco a dit que il a dit précisément, ça fait 2 fois qu'il laisse passer plus ou moins Lando. C'était évident, Antonelli aide désormais nos principaux concurrents. En Australie, en Autriche, il a percuté Verstappen à l'arrière. Et après, il est parti sur le fait que Antonelli avait fait volontairement la faute. Enfin, en fait, c'était pas la faute qu'il avait. Il s'était écarté pour le laisser passer. Et puis la FIA qui chasse chaque mont F encore pour Norris après le sprint. Mais là, en revanche, pas de sanction. Exactement. Donc voilà, parce que en fait, c'est toujours pareil. La FIA ne comprend pas ce qu'elle gère comme sport. Donc c'est pour moi c'est un gros problème tout ça, parce qu'en fait ça fait 5 ans que la FIA et la F1 se disent oui, on veut arrêter le harcèlement en ligne, on veut arrêter les problèmes comme ça. Et quand il y a un vrai problème de fond là-dessus, on n'agit pas. C'est-à-dire que là concrètement, si la FIA et la F1 avaient un peu de courage et un tant soit peu de colonne vertébrale, et ben Helmut Marko, il reste chez lui, il vient pas à Abu Dhabi. Jean-Pierre Lambiasé, il reste chez lui, il vient pas à Abu Dhabi. On veut pas de ces gens-là dans le paddock. Et on les retrouvera en 2026, avec sursis. Et voilà, et c'est tout. Il faut que toute incitation au harcèlement et toute diffamation soit punie, comme elle l'est en fait dans la vraie vie, par la FIA, et que la FIA dise non, là c'est notre paddock ne marche pas comme ça. Mais bon, après, je sais pas pourquoi j'attends que la FIA fasse quelque chose de bien. On n'en est pas là. Donc voilà, mais gros carton rouge. On a déjà moins de fuck quand même dans les interviews, je trouve. Oui, de la part des pilotes, parce qu'ils se font les frais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, finalement, au moins, c'est au moins une promesse. Au moins une promesse respectée de tous les jours. On a moins de fake, mais on a plus de commissaires sur la piste qu'on a des voitures. Ah bah écoute. On peut pas tout avoir, Alex, tu sais. Un peu le plus, peu le moins. Des troupeaux de commissaires. Des troupeaux de commissaires. Mais peut-être que la semaine prochaine, nous parlerons d'un nouveau fiasco. Peut-être que Rui Marquez sera le nouveau Michael Masi, qui sait. On arrêtera enfin de parler d'Abu Dhabi 2021. On parlera d'Abu Dhabi 2025. Tout à fait. Ce serait pas impossible. Ouais. Ouais. Ah bah vous en parlez à la McLaren, hein. Ouais. Mais voilà. Donc en tout cas, énorme carton rouge. Énorme carton rouge pour Helmut Marko, Red Bull. Tu sais, parce que c'est pareil, Red Bull. En fait, je suis un peu déçu de Red Bull, qui a quand même viré l'élément le plus nocif de son équipe cette année. Donc je me disais, peut-être que finalement on va commencer à aller vers du mieux. Et puis en fait, quand on voit que personne ne prend la parole, quand on voit que personne ne vient contredire directement les propos de Marko, parce qu'il faut pas croire que, enfin, à aucun moment ils sont passés au travers. Hein. Ce qu'a dit Marko, ça aurait été entendu par l'équipe, ça aurait été transmis à Laurent Mekies, et tout le monde l'aura entendu avant de partir du Qatar. Donc ils avaient le temps de faire ce communiqué là hier soir et de donner la parole à des gens importants qui avaient le temps de dire non, effectivement, ce n'est pas ce que nous croyons. Ouais, je pense qu'ils ont seulement pris par contre, c'est pas parce que je tiens forcément à les défendre totalement, mais c'est vrai que comme tout la partie shitstorm que s'est pris Anthony sur les réseaux sociaux, ça s'est quand même plutôt passé dans la nuit et un peu ce matin aussi. Donc, mais c'était sûr que ça allait arriver. Je trouve que la réaction n'est pas non plus hyper tard non plus. C'était sûr que ça allait arriver. Mais bon, la course est terminée à presque 19h. Et le communiqué est arrivé vers. Alors, Marko s'est exprimé vers 10h30 à peu près, et le communiqué vers 11h30. Donc ce matin, c'est pas non plus hyper hyper tard. Mais c'est vrai que le mal était déjà fait, quoi. Voilà. Le mal était déjà fait, et c'est quand même un gamin de 19 ans qui s'est fait harceler et menacer de mort pour une place perdue en course. Et évidemment, Yves, tu as raison, carton rouge également pour la FOM qui diffuse immédiatement les propos de Jean-Pierre Lambiasé en coupant les phrases autour, en disant regardez, il y a un complot qui est en train de se créer, et qui met ensuite 10 minutes à montrer le replay de la fameuse erreur d'Antonelli. Eux, c'est pareil, hein, c'est genre we race as one, we defend the fans et tout ça, et puis dès qu'il y a besoin, on fait du buzz sur pas grand chose. Donc ils ont leur part de responsabilité là-dedans aussi, parce qu'ils n'ont toujours pas compris que leur public est aussi nocif et que bah, c'est à eux de justement faire le régulateur et le, l'arbitre. Donc voilà. Donc moi je suis très déçu de tout ça en fait, parce que finalement c'est la F1 qui en sort perdante. En tant que sport, c'est Antonelli qui en sort perdant, parce que lui, bah, il veut juste poster des trucs sur les réseaux sociaux et puis bah, il se retrouve menacé de mort, alors que bah, son seul tort, c'est d'avoir fait la course. Voilà, c'est très moche et ça ne devrait plus arriver. Et la F1 nous avait promis que ça n'arriverait plus, puisque vous comprenez, on va tout surveiller, on va tout faire ce qu'il faut, et vous en faites pas, on va éradiquer le problème sur Internet. Bon, bah. Finalement, on les encourage et puis on les contrôle sur, pas. Donc. Sur Internet, ils vont pas faire grand-chose, mais au moins déjà dans le paddock, ça se tienne correctement, ça c'est clair. Ouais. Oui, non, mais voilà, mais en fait, bah si, mais ils pourraient bannir les gens. En fait, tu peux bloquer. Il faudrait qu'il y ait, encore une fois, c'est oui. Je leur demande de dépenser des sous pour gérer leur sport, mais ils pourraient engager des gens pour gérer tout ce qui se passe, les activités en ligne de la FIA, et bannir, et travailler avec les équipes pour bannir, en fait, les gens qui font ces commentaires-là, les bloquer des comptes, des équipes et des pilotes. Et... il devrait y avoir une possibilité de faire ça, il devrait y avoir une possibilité de surveiller ça. Et la FIA, en tant qu'organisme global du sport, devrait, puisqu'elle est incapable de gérer les gens dans son paddock, avoir de quoi gérer ça. Attention, il y a un cadre légal aussi derrière. Si tu bloques quelqu'un sur Instagram parce qu'il a menacé Mercedes, tu ne peux pas non plus le bloquer chez Alpine, chez Ferrari, à la F1, à la FIA. Pourquoi pas ? Tu fais ce que tu veux. Là. C'est totalement privé. C'est attaquable donc, quand même. Non. Ça dépend des pays, hein. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, c'est attaquable quand même. Tu peux pas. Moi, je suis pas sûr. Tu peux pas préempter. Hein. Pour moi, un compte internet, tu fais ce que tu veux avec, c'est privé. Hein. Non. En termes, tu ne dis pas ce que tu veux parce que forcément, il y a une truc, mais bloquer les gens, t'as le droit. Je veux dire, c'est pas. Oui, mais si tu bloques la personne sur ton compte à toi parce qu'elle a dit des choses mal sur ton compte à toi, tu peux pas bloquer sur le compte de la F1.com par exemple quelqu'un qui aurait quelque chose de mal sur le compte de Mercedes. C'est pas possible. Non, tu peux pas. C'est pas possible. Ah bon. Ça m'étonne. Mais en tout cas, ouais, enfin bon, bref, bah, dans ces cas-là, qu'ils arrêtent de faire des fausses promesses. Mais en tout cas, la FIA n'est encore pas à la hauteur là-dessus et c'est bien dommage. Et voilà, c'est un vrai problème pour moi de voir qu'on est toujours là. Transition pas à la hauteur. Ah comme... oui, alors en parlant de gens pas à la hauteur, effectivement. On reste dans le domaine de la déception. On va peut-être parler de cette équipe qui vient de nous pondre deux week-ends de l'enfer, qui est McLaren, parce que. Normalement, que je n'ai jamais supporté. Alors, c'est moi, ma nouvelle idole, moi. Regardez, je suis mis au soutien de Manu. J'ai acheté, j'ai eu la gourde McLaren. Non, je ne veux pas acheter, on m'a offert. Solidarité. Ah, voilà, je m'attendais à recevoir une bêtise par la poste ce matin de la part de mon papa. Il y a un truc, tu verras. Tu essaieras de la mettre pendant le live. Moi, j'ai eu la gourde McLaren et le casque McLaren aussi. Donc voilà pour soutenir Manu avant ce dernier Grand Prix. J'ai même une McLaren sur mon bureau, mais tu voilà. Vois, donc je suis aux couleurs McLaren. Puis je suis que voilà, quitte à soutenir un loser Ferrari, autant soutenir un deuxième McLaren. Alors oui, après on y reviendra plus tard. Il y a différents degrés de loser. Oui, mais là je c'est pour l'avenir là. Ils sont partis dans le bon tempo. On parlera d'Alpine aussi d'ailleurs. Sujet. Mais c'est vrai que McLaren avait fait le plus dur, puisque dans les 6 premiers tours de la course, on se dirigeait tranquillement, sans incident et sans présumer de ce qui pouvait se passer derrière, vers au moins une première place pour Oscar Piastri, qui semblait contrôler et puis qui, on l'a vu par la suite, avait les moyens de contrôler. Très belle pole, une très belle victoire en sprint. Week-end parfait de la part d'Oscar Piastri. Voilà. Et un Lando Norris qui, peut-être avec un peu de chance, aurait pu aller chercher Verstappen et au pire serait contenté d'une 3e place. Voilà. Qui n'était pas si mauvaise que ça et lui permettait de garder un peu de marge. Et puis, donc évidemment, la FIA, puisqu'on va en parler exactement de pourquoi tout ça est arrivé, Pirelli et la FIA avaient mis en place un système de relais maximum de 25 tours pour éviter des crevaisons et des dangers au niveau des pneus. Ça aussi, on peut en parler sur est-ce qu'il faut encore retourner sur circuit. Et du coup, il fallait qu'il y ait 25 tours au maximum, donc si jamais les équipes allaient sur le relais maximum, ça faisait 25-25-7 ou 25-7-25 ou 7-25-25, et sinon après il y a la possibilité de plus ou moins agencer le truc sur des relais de 18-20 tours. Bon, sauf que il était évident qu'à partir du moment où quelque chose se produisait après le 7e tour, on rentrait dans la possibilité d'économiser un arrêt. Ce qui paraissait tout le monde évident pour tout le monde, sauf pour McLaren, puisque au 7e tour, alors certes, ça a été vraiment le truc parfait, l'événement précisément au timing que toute personne n'espérait. Au septième tour, Pierre Gasly et Nico Hülkenberg se sont accrochés, la voiture de sécurité est entrée en piste, et donc les pilotes se sont retrouvés avec la possibilité de faire un arrêt sous safety car qui ensuite leur permettait de faire un seul autre arrêt avec deux relais de 25 tours. Oscar Piastri est resté sur la piste, Max Verstappen est rentré, Lando Norris est resté sur la piste, et tout le reste du peloton, à part Esteban Ocon qui lui a tenté autre chose, est rentré au stand. Et donc, effectivement, bah, c'était la stratégie perdante pour McLaren, qui, alors ensuite, a essayé de nous expliquer toute la soirée que on avait peur du trafic, on vous laisse garder de la flexibilité. Le fait est que non, c'était juste une énorme erreur, ce qu'a quand même admis Zak Brown un peu plus tard. Et effectivement, une erreur qui coûte la victoire à Piastri, mais qui permet surtout forcément à Verstappen de se rapprocher plus que prévu au championnat. Toi, Alex, qu'est-ce que tu as est-ce que tu as bondi? Parce que moi, j'en ai pas mal parlé avec Franck en live à ce moment-là. Et puis, moi, j'étais un peu outré. Qu'en as-tu pensé? Alors d'abord, il ne faut plus dire, quand vous faites une énorme erreur, ne dites plus j'ai fait une énorme erreur, mais dites je me laisse de la flexibilité. Ça, une expression qui va rester. McLaren a été très très flexible. Non, moi, j'ai regardé la course sur Canal en famille et c'est Febro a dit non, était d'un ton très très assuré, tout le monde fera trois arrêts, Donc moi, j'ai dit mais non, c'est pas vrai, donc il est sûr ou quoi. Et effectivement, deux tours plus tard, ensuite, Febro a dit. Petite voix qui s'était trompée. Et donc là, j'ai tout de suite compris que Verstappen avait un meilleur rythme. Et là, j'ai tout de suite compris que ça allait faire maximum 2 et 3 pour McLaren. Alors pour le coup, ensuite, chez Canal, ils ont pas fait comme Crofty. Ils ont tout de suite compris que c'était un énorme avantage pour Red Bull. Bon, après, les erreurs, ça arrive sur le moment. Mais je me suis demandé. Moi, j'ai dit, voilà, ça va faire 2 et 3. C'est un énorme loupé. Voilà, et ça, en passant toute la course à dire « mais c'est pas possible qu'elle loupait, quoi ». Donc ça, c'est clair. Je me demande, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un… J'espère qu'ils ont travaillé, parce que chez Red Bull, ils l'ont fait du côté d'Alain Schmidt. Qu'est-ce qui arrive chez une safety car qui arrive à la fin du septième tour? Alors vous allez dire une chance sur 1000, boum, c'est arrivé. J'espère qu'ils ont travaillé le scénario chez McLaren, hein, parce qu'on n'aurait pas dit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bon, on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, c'est une énorme erreur. Alors oui, le trafic, mais… Bon, même, enfin, surtout au Qatar, hein. Qatar, c'est 28 secondes. C'est ultra long, la ligne des stands. Donc, en plus au Qatar, la question à million, c'est est-ce que les papayas rousses, le fait de ne pas défavoriser un pilote, en l'occurrence Norris, qui aurait dû attendre, un peu comme Russell l'a fait derrière Antonelli, qu'il y ait le changement du côté de Piastri, du coup, Norris aurait perdu des places, est-ce que ces papayas rousses ont joué, même inconsciemment, dans la décision de McLaren de ne pas s'arrêter? Alors évidemment, McLaren dit que non. Mais est-ce que inconsciemment, ça n'a pas pu un peu jouer? Moi, je suis plutôt d'avis que oui. Et que, s'il n'y avait eu qu'un seul pilote premier, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, l'autre était dixième, moi, à mon avis, ils auraient quand même tenté le coup. Pourtant, vu l'écart qu'il y avait déjà vers sa concurrence et tout ça, le double arrêt était possible, en fait. C'est ça qui m'étonne. Ils n'étaient pas pris à la gorge pour faire un double arrêt. Et moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est le discours de Stella qui dit on était persuadé que pas grand monde s'arrêterait et que du coup on allait se retrouver dans le trafic. Mais je vois pas à quel moment, ils ont pensé que des gens n'allaient pas saisir cette opportunité pour faire un arrêt gratuit, en fait, tout simplement. Et puis même, tu prends l'arrêt gratuit, tu t'en fous. Bah ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est ça. Non, c'est inexplicable et. La semaine dernière, c'est peut-être l'ingénieur chargé de faire les planches qui a dû se prendre une soufflante. Là, c'est le stratège. Enfin, il n'y a pas de culture du blâme, bien sûr, mais à un moment donné. Quand ça arrive, je pense que la culture du blâme, elle va pas tarder à arriver à ce rythme-là. Manu, le manager toxique. Ah, moi, j'y vais, je blâme tout le monde, là, je vous préviens. Ça dégage. On a l'impression d'une tragédie anti qui se met en place et McLaren fera absolument tout ce qu'il est possible de forêt. C'est incroyable. Après, c'est pas fini, hein, parce que moi, je préfère être Norris que Verstappen avant d'aller à Abu Dhabi, quand même. Mmh. Quand même. Oui, mais, il y a pas d'avance, mais c'est un scénario. Voilà, c'est le vrai. Le vrai n'est pas vrai. Ah, ça coupe ton micro, Alex. Je disais que le vrai n'était pas vraisemblable, et là, McLaren continue à nous le prouver. Ouais, c'est ça, hein. Alors, John Smith, c'est une théorie qui est bonne. Il dit peut-être qu'ils ont puni le mec des planches en le mettant à la stratégie. Et effectivement, c'est peut-être ce qui s'est passé. Et du coup, celle-là. Et là, ils vont le mettre ingénieur de course de Piastri pour relancer la théorie. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je. Voilà. Ouais, j'ai en tout cas, c'est... McLaren, quand il a fallu rater des choses, ils étaient vraiment au rendez-vous, hein, beaucoup plus souvent que Red Bull cette saison. Ouais. Et je trouve que les gens blâment beaucoup les pilotes, mais je trouve que vraiment McLaren est en train de totalement faire perdre le titre de ses pilotes. S'il y a une défaite pour le titre pilote, en tout cas, ce sera vraiment à mettre sur le compte de l'équipe et plus que de ses pilotes. Toi, Franck, bon, on en a parlé en live évidemment, mais qu'as-tu pensé à ce moment-là et que penses-tu surtout des excuses de Stella qui dit tout ça sur notamment cette histoire de trafic? Je pense que comme 99% des gens, j'ai du mal à comprendre. Tout semblait tellement évident et d'autant plus, comme l'a dit Alex, que le scénario du la safety car au 7ème tour ou après, en fait c'est un peu ça, parce que le scénario du safety car avant, bah, clairement là effectivement il faut se poser des questions, la question du safety car au 7ème tour et après, tu te poses pas de questions, l'arrêt gratuit tu le prends, tu cherches même pas à comprendre, en plus quand tu disposes d'une avance devant qui te permet effectivement de temporiser un petit peu, voilà. Après le seul truc effectivement c'est de pas en mettre un plus dans le jus que l'autre, parce que comme ils sont à l'entrée de la voie des stands, voilà, si au moment de repartir, si t'as tout le peloton qui défile devant, tu dois attendre, hein, parce que ça a d'ailleurs coûté quelques places, notamment au pilote Mercedes, voilà, de laisser passer que tout le monde dans la pit lane. Donc forcément, c'est aussi ce risque-là qu'il faut prendre, mais même ça compense pas. Voilà, ne rester en piste, ça ne compense pas un arrêt gratuit. Donc pour moi, il y a une grosse faute de la part de la stratégie chez McLaren, clairement. Je ne sais pas qui s'en occupe directement, mais voilà, c'est de ce côté-là. Bon, ils ont vite admis leur erreur, hein, je pense que là, c'est. Mais là, ça va être discuté en interne, hein, clairement. Je pense qu'il y a des choses qui vont être à revoir, parce que pour moi, c'est pas bien bossé du tout. C'est pas bien bossé du tout. Et après, effectivement, reste la question. Et a priori, ils disent que non, voilà, qu'effectivement, est-ce qu'ils n'ont pas voulu splitter la stratégie aussi? Parce que par cette fameuse règle des papayas rouges, ouais. L'équité entre les deux pilotes est fait aussi que est-ce qu'on met ses œufs dans le même panier ou pas? Voilà, pareil. Là, ouais. Là c'est compliqué parce que clairement tu faut, au pire, tu laisses le choix au pilote. Tu dis. À toi de nous dire box si tu veux rentrer en cas de safety car ou pas, quoi. Et puis soit vous êtes tous les deux rentrés, soit il n'y en a qu'un seul des deux qui a décidé de rentrer et qui le fait. Mais ça du coup, ça relève du choix du pilote et pas du choix de l'équipe. Je réponds. Ouais. Voilà, en fait, ouais, clairement. Je vais répondre à une question qu'on a posée dans le chat, c'est qui est responsable de la stratégie? Il faut savoir qu'en début d'année, en janvier 2000 de cette année, Randy Pfingst, qui a été écarté justement pour les erreurs de stratégie de 2024, et c'est Oli Cartledge, je ne sais pas comment ça se prononce, Oli Cartledge, qui a été promu à ce poste-là. Donc c'est lui qui est responsable de ça. Hein. Il est race strategist, donc il est directeur de la stratégie et directeur de l'opération. Donc c'est plutôt par chez lui, sachant que aussi en fin d'année dernière. McLaren avait recruté Will Courtney, qui était le responsable de la stratégie, un des responsables de la stratégie chez Red Bull, mais qui est officie comme directeur sportif. Voilà, donc je pense que, voilà, en gros, l'an dernier, McLaren a déjà viré son responsable stratégie. Eh bien, peut-être qu'une deuxième réaffectation de poste va s'imposer. C'est quoi, c'est quoi le nom de celui qui a été viré l'an dernier, t'as dit? Randy Pfingst. Ah, c'est Pfingst, ouais. Maintenant. De toute façon, j'ai envie de dire que quelle que soit la personne qui s'occupe de la stratégie chez Red Bull, chez McLaren ou chez Ferrari, personne n'égalera le niveau de la stratégie de Red Bull pour l'instant. Je veux dire, ils sont quand même un ton au-dessus de tout le monde, clairement. Très clairement. Et après, ça, on peut dire et ça, depuis des années, donc, pilote, ils n'ont à se concentrer qu'un seul pilote, on pourrait dire. En même temps, ils sont tellement loin l'un de l'autre sur la piste aussi que. C'est sûr qu'ils ne vont pas se gêner au stand, c'est certain. Mais de toute façon, de manière constante, Red Bull, c'est quand même hyper rare qu'on les voit louper les stratégies. Même à l'époque de la. Je n'ai même pas souvenir. Mercedes, hein, Mercedes c'était beaucoup plus en délicatesse avec les stratégies, hein, dès qu'il y avait des courses un peu compliquées. Ouais. On se rappelle de Allemagne 2019 ou des courses comme ça, où finalement, dès qu'il y avait des éléments perturbateurs, Red Bull avait toujours les meilleures solutions. Chez Ferrari, ça va quand même beaucoup mieux cette année, hein, clairement. Merci. au niveau stratégie. Pardon. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah, eux, en même temps, de toute façon, Ferrari, ils ont constamment progressé ces dernières années en stratégie. En tout cas, je tiens à saluer McLaren, moi, pour leur gourde, parce que c'est comme les vrais en F1, ça marche pas du tout. Je suis utilisé pour pouvoir boire. Parce qu'ils ont fait une énorme gourde ce week-end. C'est ça, ils ont fait une gourde avec la gourde. Parce que je dis, elle est trop flexible, cette gourde. C'est pas... ouais, c'est ça. Non, justement, le truc n'est pas assez flexible, il touche au fond et du coup, ça bloque. Bref. Ils sont bons ingénieurs encore chez McLaren. C'est peut-être le mec de la planche qui a dessiné la gourde. Mais je sais pas. Et encore la planche. La planche est pour 8 mm. Enfin, là, c'est. Quand t'es le seul à faire une erreur, tu vas pas dire soit tout le monde s'est trompé, soit c'est moi qui ai raison. Je sais pas. Mm. Dommage que la planche soit pas si flexible, ça aurait évité qu'elle soit trop usée. C'est les aimants qui étaient trop flexibles. Mais ça, c'est fini. Ouais. Du coup, je... Non, mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Cela dit, à part la stratégie, moi, j'ai trouvé le RIMT, on a parlé chez Red Bull, mais pas non plus. Alors, c'était bon, mais pas franchement supérieur à Red Bull. Hein. Moi, j'étais un peu déçu par le RIMT. Dégradait beaucoup plus leur pneu à l'attaque. Oui. Ça se voyait dès vendredi, en fait. Il y avait beaucoup plus de graining et j'ai eu un peu de mal avec ça. Et heureusement pour eux, d'ailleurs, qu'ils beaucoup plus tours, en performance. Pour le coup, la règle des 25 tours, elle les a aidés, je pense. Ils perdaient beaucoup plus de performance rapidement sur les relais. De quoi être bien serein pour le week-end prochain. Hein, du coup. Ouais, ça fonctionne pas très bien. L'équipe est totalement en perdition. Petite parenthèse pour projeter sur Abu Dhabi quand même. Là, donc maintenant qu'on a fini les deux. Après, voilà, quand même un mot sur Piastri. Hein, c'est la relance, le retour de Piastri. Sur un circuit, il a toujours été très bon. Donc à voir, à confirmer. Ça confirmerait ses dires selon lesquels, voilà, c'était surtout le problème de caractéristiques du circuit, d'enchaînement, de mauvaises performances. Là, c'était clairement Piastri le meilleur pilote. Hein. Bah, pas du grip, c'est mieux. Voilà. Voilà. Bon, et donc, le problème, c'est qu'il est à 16 points. Le problème, c'est quand même que s'il a besoin de ce grip-là pour se sentir bien et que sur les 6 circuits d'avant, ça n'allait pas, c'est compliqué. Hein. Ouais. Après, c'est quand même. Voilà. Très différent sur lesquels ça n'allait pas du tout. Quoi. Le problème, c'est que mentalement, il aurait pu se refaire avec sa superbe performance. Et franchement, après la course, moi, j'ai vu un gros contraste, encore une fois, entre Piastri, mais qui était dégoûté. Hein, il disait, je suis sans voix à l'arrivée. Et Norris, qui était plutôt serein. Mais Norris, je pense que Norris était beaucoup plus tranquille que moi. Alors que tu vois, vraiment, moi, c'est lui qui venait de perdre son truc et tout. Mais je sais pas, Norris, il n'y a rien qui l'atteint. Et c'est tant mieux, hein, parce que je pense que c'est ce qui va lui permettre d'être à la hauteur la semaine prochaine. Mais... Norris, ouais. Tandis que Piastri, mais. Piastri, il prend chaque truc. Ça, depuis le milieu de saison, c'est déjà le cas. Hein. Piastri, pour l'appeler maintenant. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est. C'est... Bon, après, 16 points de retard, pour moi, il est. McLaren dit qu'ils vont pas choisir, mais bon. Ah voilà, d'où la question. Qu'est-ce qu'on fait? On avait eu ce débat la semaine dernière. Hein. De toute façon, tout de suite. Ouais. Bah là, non, clairement, je suis désolé. Piastri, 16 points en une course, c'est quand même énorme. Alors on sait toujours que le troisième peut créer des surprises, mais quand même. Bah si Verstappen et Norris s'accrochent au départ. Voilà, c'est vite plié. Maintenant, si effectivement il y a un petit. Ah oui, ça, ils ont pas fait ça encore. Les deux McLaren au départ, si on en a déjà vu un petit peu, mais pas directement. Mais, à la dernière course, ça serait une histoire de la Formule 1. Mais un petit Verstappen Norris qui se chamboule un petit peu au départ et qui se retrouve 7-8, machin, tout ça. Après, on dit Verstappen. Piastri qui sera en tête. On dit Verstappen Norris. Tu mets McLaren dans une sacrée gouache quand même en termes de décision. Après, sur un scénario hyper simple, il faut que Piastri laisse. Après, on dit Verstappen Norris, mais l'an dernier, c'est Piastri qui se fait harponner par Verstappen au départ. Hein. Ah, Verstappen, ouais. Voilà, j'espère que Verstappen ne va pas jouer ce jeu-là cette année d'ailleurs. Bah, c'est ce qu'on disait, c'est que un petit peu son seul truc, c'est effectivement d'aller vraiment se. S'il part en pôle, voilà, il sera pas dégueulasse, il reste devant. Mais après, de toute façon, le truc c'est qu'il a aussi besoin de finir la course, donc il peut pas tout miser. C'est l'avantage qu'il soit pas en tête ou à égalité comme en 2021 où il y avait un peu cette peur là de dire il va faire n'importe quoi. C'est que là, il peut pas se permettre de s'accrocher et d'abandonner, puisque si c'est ça, il est pas champion. Donc oui, et puis une panne mécanique pour Norris, ça peut très bien arriver. Hein. Après, il a déjà eu la sienne, donc ça peut arriver ça peut arriver à Verstappen qui a eu un souci avec son moteur. Ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Ou alors, on confie une dernière mission à Tsunoda. Non, mais de toute façon, c'est un dernier Grand Prix où, comme ça, il y a quand même quelques scénarios qui sont pas improbables. Hein, voilà, panne, collision, autre chose. C'est comme un match de foot. T'as effectivement le favori, mais sur un match, tout peut arriver. Et sur un Grand Prix, tout peut arriver aussi. Donc, sur un virage. Après, il y a un scénario bien merdique pour McLaren. C'est si coup de roue qui grippe, n'importe quoi. On n'est pas à l'abri d'une connerie. Hein. Non, mais c'est pour ça qu'ils peuvent pas. C'est pour ça qu'ils peuvent pas faire un all-in sur Norris en début de week-end. Et ça, je le comprends totalement. Oui. Et ils ont raison. Ils peuvent pas dire on met tout sur Norris. Si jamais au troisième tour sa voiture lâche et que Piastri est derrière pour une en fait, ils sont baisés. Donc, ils ont raison de pas faire un all-in sur Norris. Néanmoins, il y a un scénario où vraiment, si celui-là il arrive, j'espère que Piastri mettra du sien, parce que si Verstappen mène devant Piastri et Norris, Piastri ne peut pas être champion, mais Verstappen, enfin non, si Norris est troisième, c'est bon. Quatrième. Mais si Norris est quatrième et que Piastri est dans un des deux devant, Verstappen est champion pour un point. Et là, ça dépendra de Piastri qui sacrifierait sa place, potentiellement deux places, pour laisser passer Norris. Mais est-ce qu'il le ferait? Moi, je suis pas sûr. Ben moi, j'espère qu'il le ferait. Parce que, tu veux dire Verstappen, Piastri, Russell, Norris par exemple? Par exemple. Là, c'est le scénario du pire pour McLaren. Ah c'est dire à Piastri, tu laisses passer, tu perds deux places. Après, c'est sacrifier un podium. Évidemment qu'il le fait, mais évidemment qu'il le fait. Pour est-ce que Piastri le fait? Oui, il le fait pour une simple bonne raison qu'il ne peut plus être champion. Donc voilà. Alors, il le fait au tout dernier moment, évidemment, quand Verstappen casse dans le dernier tour, évidemment. Mais il le fait parce que s'il ne le fait pas, il s'attire les foudres de toute l'équipe et il vit avec pendant une année derrière. Il fait perdre le titre à McLaren. Hein, c'est il perd le titre à McLaren et il doit vivre une année derrière avec ça. Il peut, autant vous dire qu'il y aurait zéro cadeau. Là, pourquoi il y aurait du favoritisme de Norris? Oui. Et l'ambiance sera vraiment... Oui, là, il peut faire ses bagages. Hein, mais peut-être qu'il a, même... a peut-être accumulé tellement de ressentiments, j'en sais rien. Moi, je parie sur le scénario le plus fou à chaque fois, vu qu'apparemment, c'est celui qui arrive. Bah, le scénario le plus fou, c'est Colapinto qui se met dans le mur au 56e tour et la FIA qui fait n'importe quoi et décide de c'est Hamilton qui va se mettre dans le pour baiser Verstappen. Tiens, tu l'as pas montré. Ou alors, c'est Antonelli qui fait une erreur et qui donne le titre à Norris. Antonelli dans le rôle de Glock. Et voilà. Bon, on n'aura sûrement pas d'averse dans le dernier tour, ça c'est... Manu, comme quoi la FIA pourrait bouleverser des scénarios à Abu Dhabi en fin de course, après une safety car, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Je sais pas où je vais chercher ça. Juste parce que j'ai pas eu le temps de finir ma phrase tout à l'heure, vous m'avez coupé, On est un peu euphorique. Juste, si Norris a son titre aussi grâce à Piastri, si, voilà, dans le scénario qu'on disait, si Piastri devait reculer de, au moins deux places, hein, parce que sinon c'est ce qu'il faudrait, ça ferait un titre à zéro pour Norris. Et s'il y a besoin du coup d'avoir un peu plus de soutien pour l'année prochaine, si Piastri est plus en mesure de jouer le titre que Norris, ce serait plus facile de mettre les billes derrière Piastri parce que Norris aurait déjà eu un titre. Voilà. Oui, c'est aussi ça qui ferait que je pense qu'il ne réchignerait absolument pas à laisser avoir un titre, évidemment. Il y a un scénario où c'est Russell qui domine la course et tout le monde finit derrière et il ne se passe pas grand-chose. Bien sûr. Il y a vraiment un scénario où une course d'Abu Dhabi chiante, comme souvent Abu Dhabi quand même. C'est ça. Il se passe ou pas même Norris domine et c'est réglé, tu vois. Enfin, il y a un scénario où Massi revient. Piastri gagne. Non, mais l'an dernier, Norris a dominé et voilà. Après, alors, contexte d'année. Latifi revient, il y a tout le monde. C'est Williams. Latifi, Petrov, Alonso et Massi. Allez hop. Weber aussi. Marc Weber, il rentre en piste aussi parce qu'il va aider Piastri. Avec Alonso et Hamilton qui font n'importe quoi pour se venger, du coup. Contexte d'année dit les images sont criantes entre Zach et Oscar. L'Australien ne peut plus le voir. Alors franchement, je sais pas où vous trouvez ça parce que il y a des images où ils se font, ils disent bonjour, ils discutent et tout. Enfin, vraiment. Les gens interprètent énormément de trucs. C'est comme cette histoire de quand il y a un podium de Piastri, personne n'est là. C'est faux. Il y a beaucoup de choses fausses et il y a beaucoup de. Vous interprétez énormément de signes que vous voyez. Mais en fait, quand tu regardes les images, il y a énormément de discussions entre Piastri et Brand, entre Piastri et Norris, entre Brand et Norris. Stella discute avec les deux. On a vu les deux se marrer. Enfin, à aucun moment on voit ça réellement. Il n'y a vraiment rien de concret et de tangible. Guigui demande qui est le Michael Masi de ce week-end. Et c'est Rui Marquez, c'est le directeur de course. Et John Smith nous dit ou alors Verstappen s'arrête avant que les McLaren box et Nelson Tsunoda Junior s'éclatent dans le mur. Effectivement, il va falloir. Non, mais moi je dis qu'une safety car provoquée par Hamilton qui ferait chier Verstappen pour le titre, ce serait vraiment la revanche idéale. Ouais. Avec Toto Wolff Hamilton qui tombe dans les bras et... et puis Marco qui commence à dire « Oui, là, je crois qu'il s'est passé quelque chose. » Tout le monde qui dit « Mais non, arrête tes conneries. » Toto Wolff qui répond « Oui. » Oui. En tout cas, on va prévoir 1000 scénarios et ça va être le 1001e qui va arriver peut-être. C'est ça. Ah oui, qui aurait pu prévoir que McLaren se chérit autant sur une stratégie, quoi. Ouais, qui aurait pu prévoir la double disqualification. Faut oublier qu'il y a un monde où, quand même, à la fin, à l'arrivée du Grand Prix de Las Vegas, Norris avait 42 points d'avance. Hein. Et le moteur de Norris à Zandvoort de... Oui. Bah, le moteur, ça peut arriver, mais... Ça peut arriver encore à Abu Dhabi. J'ai envie de dire, après... là, c'est vraiment McLaren qui se tire une balle dans le pied. Quoi. Les deux tiers des points, les deux tiers des points perdus par Norris sur Verstappen, c'est... Ah oui, bah là, c'est pas une balle, hein. C'est un réservoir, c'est une armurerie. Lambeau Diablo qui pense à un scénario qu'on n'a pas pensé. La course est annulée parce qu'il neige. Effectivement, c'est un peu probable quand même. Mais... Je mettrai pas 20 balles dessus. Moi non plus. Alors oui, effectivement, il y a eu le câlin que Brand est venu par surprise à faire et tout ça, et Piastri était un peu énervé, mais c'est pas, voilà, c'est juste oui, un après, truc. Oui, après, le feu de l'action aussi, machin, tout ça. Des fois, il y a des réactions, voilà, Brand essaye de faire un peu, je pense que Brand, des fois, il a un côté un peu... Et puis, un câlin de Zagron, ça fait mal, hein. Bah, c'est ça, c'est clair, c'est un peu comme le tonton que tu aimes pas, qui vient de dire bonjour à une ça. Famille. Mais je pense qu'il lui a cassé deux côtes, alors forcément, Piastri était pas content. Mais... ah, il manquait plus que ça, ouais. Comme scénario. Piastri est forfait, et c'est Van Damme qui va... C'est qui le pilote de réserve chez McLaren? C'est Bottas. Oui, c'est oui. Bottas. Ouais. Et oui. Ah ben voilà. Retour anticipé pour se chauffer. Non, mais bon, effectivement, on espère en tout cas que ce sera propre parce qu'effectivement, avant de passer au reste, on va pouvoir se projeter un petit peu. Je pense que c'est le moment de le faire. On t'appelle ça propre. Est-ce que par exemple, Sergio Pérez bis qui se la jouerait ministère de la Défense. Bah ça, c'était propre, ça. Ouais. C'était limite, mais c'était acceptable. Non, parce que il y a juste qu'on comparait, par exemple, quand ceux qui ont cru qu'Antonelli avait laissé passer Norris parce qu'on n'avait pas vu les images clairement, il y en a qui ont dit ouais, mais alors là, vous critiquez ça, mais vous critiquez pas Perez qui avait énormément ralenti Hamilton à Abu Dhabi en 2021. Donc, en termes de sportivité. Perez, c'était un peu dangereux. Il roule quand même 9 secondes plus lentement que le temps. Il y a quand même un côté un peu dangereux. Mais. En fait, tout le monde l'a oublié parce que derrière, on s'est fait totalement enfler le spectacle et voilà. Donc, de toute façon, ce qu'a fait Pérez ce jour-là, c'était ce qui s'est passé moins pire. Donc, forcément, c'est pas grave. Mais dans l'idée, Pérez c'était quand même un peu sale. C'était pas non plus. Moi, c'était acceptable. Pour non, lui. C'était pas scandaleux. Hein. Non. Mais non. Après ça, en fait, le truc, c'est que là, la seule différence, c'est que il y a peu de chances pour que Tsunoda fasse ce rôle-là parce que tout simplement, Tsunoda n'est pas Pérez en fait. Et Pérez, faut pas oublier, tout le monde lui a craché sur 2024, mais Pérez, il fait des premières saisons chez Red Bull qui sont solides. Hein. Donc, ouais. Est-ce qu'il a fait en 2021 En 2021, Verstappen lui doit en gros une bonne partie de son titre, dans le sens où il a beaucoup, beaucoup travaillé pour ralentir Hamilton, et bloquer des remontées de ses adversaires et tout, par rapport à Bottas notamment, qui se fait totalement enfler week-end après week-end. Donc, en tout cas, Zoan a déjà trouvé le scénario. Norris champion laisse prendre une pénalité de 5 secondes pour track limit après 2 heures. Et 2 heures après l'arrivée, on apprend que c'est Verstappen qui est champion. En tout cas, je pourrais te dire que McLaren fera tout ce qu'il faut pour qu'aucune des McLaren ne ressorte derrière Tsunoda. Oui. Ça, c'est clair. Ou Hadjar. Ah. Oui. Qui serait ? Ou Lawson, d'ailleurs. Ouais, Lawson. C'est vrai. Mais bon, après, voilà, je pense que c'est compliqué. Après, il peut se passer tellement de trucs dans une course. Voilà. Ouais. Il peut rien se passer aussi, encore une fois. Hein. On ne voit pas la course du siècle, mais en revanche, il y aura une tension du premier et dernier tour, ça c'est sûr. Ouais. Abu Dhabi 2010, pas top. Abu Dhabi 2021. Regardez, Manu se range déjà les ongles. Mais alors, Abu Dhabi 2010, la course est chiante au possible, mais il y a tellement de tension que c'est quand même super cool. Ouais. Ah bah là, de toute façon, ça sera tendu. Hein. Les grandes finales folles de championnat du monde, à part Brésil 2012, ces dernières années, elles sont quand même assez pénibles. Même le Brésil 2008, le final est fou, mais pendant 45 tours, on se fait chier comme pas possible. Oui. Et voilà. Après, ça n'empêche pas que effectivement, il y aura une tension qui fera qu'on risque de toute façon pas s'ennuyer. Bon, pour la fiabilité, ça sera une tension de façon jusqu'au dernier tour, hein, parce que il faut marquer des points. Hein. Ouais. On arrive en bout de course des moteurs, on ne sait jamais. Puis même après, est-ce que la FIA a pu bien communiquer ? Il a été constaté que les voitures... Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. En tout cas, une finale à 3, ça fait 15 ans qu'on attend ça. Donc, ça va être déjà les qualifs, hein, parce que les qualifs vont être hyper importantes sur un circuit où c'est pas impossible, mais difficile de dépasser. Et puis, la course à ne pas rater. On dépasse quand même plus facilement, comme il y a quand même une bonne ligne droite avec le DRS et tout ça. Ouais. Et le tracé a été vraiment bien revu en 2021. Oui. Franchement, le tracé dès qu'il est maintenant, je trouve cool, Abu Dhabi. Moi, je regrette juste qu'ils aient fait une sorte de... Voilà, où ils ont vraiment cassé un virage au bout du circuit, où ils ont fait une sorte de... de rayon là, de grand arc de cercle, de grand virage là, donc avant qu'on revienne sur la partie hôtel. Ouais. C'est dommage, c'était un point de freinage comme qui servait ouais, aussi. C'était, c'était un gros point chicane, de freinage, c'était... mais en même temps, les virages étaient tellement nuls que je pense pas qu'on soit bien perdant. Après, effectivement, ça casse un peu une opportunité. Il y a là, il n'y a jamais personne qui a dépassé. Donc, ouais. Non. Donc un top 3 suffit à Norris et il faut que Verstappen gagne. Ça fait quand même beaucoup, hein, beaucoup de données dans l'équation, mais il se passe tellement des choses improbables que... C'est ça. On a l'impression que Verstappen a fait le plus dur déjà. Si McLaren n'était pas aussi fébrile, les 12 points d'avance, ce serait, enfin, on se dirait, ça va, c'est un bon, c'est la moitié de ce qu'il a besoin pour être champion quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que là, on reste sur deux courses. En fait, le problème, c'est que malgré tout, la voiture était quand même, en tout cas, la voiture et les pilotes faisaient ce qu'il faut pour gagner les deux dernières courses. C'est ça le problème, c'est que dans un monde où McLaren fait pas n'importe quoi, Norris gagne à Las Vegas et Piastri gagne au Qatar. Et encore une fois, la Red Bull est dans le match. Hein. Ouais. Oui, il y a un monde aussi, si au départ Verstappen passe devant Norris et qu'il y a Piastri derrière, je peux vous dire qu'on va dire clairement à Norris de ne pas aller chercher Verstappen. Il n'a aucun intérêt à aller se frotter à Verstappen. Non. Il va rester sagement derrière, il garde sa deuxième place et ça le fera très bien. Bien sûr. Ouais, ça dépendra de Russell aussi. Est-ce que les Mercedes, ou d'Anthony d'ailleurs, est-ce que les Mercedes sont capables d'aller un peu bousculer tout ça? Est-ce que chez Ferrari, on va avoir un miracle de la fin d'année? Non. Ouais, c'est difficile. Voilà, le facteur Mercedes peut aussi avoir son rôle. Enfin, il peut se passer plein de choses. Mm-hmm. Il peut se passer plein de choses et ça va être génial. Mais je vois pas Mercedes trop perturber McLaren. Ben bon. Bah, c'est plutôt McLaren qui va perturber McLaren. Ce que j'allais dire. C'est ça, oui, ils se perturbent déjà eux-mêmes. Moi, ça me stresse tout ça, je vous cache pas. Manu, ça peut te rassurer, je vais brancher mon casque sur le muret des stands de McLaren. Ah bah, c'est ils verront pas. C'est moi qui ai donné. S'il y a une décision évidente, tu leur dis arrêtez-vous, vraiment. Et donc, attention, donc les qualifs, c'est à 15h et la course, c'est à 14h, hein, pas à 15h. Ouais. Ne ratez pas le départ, ce serait dommage. Ça c'est sûr. Ce serait si un grand plaisir de rater, c'est sûr. Évidemment, toutes les séances d'essai, évidemment, comme d'habitude, seront à suivre en live. Et c'est vrai que ça va être un week-end à la tension croissante, puisque c'est un week-end de format normal. Mais forcément, plus on va se rapprocher de l'objectif, plus il va falloir être impeccable pour tout le monde. Ça va être assez tendu. Catching Tales demande, est-ce que vous mettez Edgar dans la Red Bull ce week-end pour aider? Non, non, non, il n'y a aucune raison de le faire. Et, Il aidera encore moins, il ne connaît pas la voiture. Et généralement, ça fait plus perdre du... Non, je pense que Edgar, il pourra retenir plus Norris dans une Racing Bulls. Hein. C'est clair. Non, non, non, franchement. Et puis, en fait, il y a tellement de paramètres à... Enfin, il ferait une mauvaise course, en fait, s'il débarquait comme ça... De nulle part. Et oui, Thierry, 21h43, on est encore à McLaren, mais en même temps, c'est l'avant-dernière course de la saison. Il y a un match à 3 pilotes et 2 équipes pour le titre, évidemment, qu'on parle forcément de ça. Le reste, de toute façon, vu le week-end du Qatar, on va aller assez vite. Oui, on va pouvoir dérouler juste le classement et vous dire au revoir. C'est moi, il ne s'est rien passé. Il est 21h43, l'émission. Ah, on va quand même rendre hommage à une performance majuscule et qui est passée un poil inaperçue étant donné ce qui s'est passé. Pour moi, c'est le pilote du jour, hein. C'est notre ami bleu, c'est notre ami Sainz. Oui, c'est vrai qu'on va pouvoir effectivement enchaîner notre ami bleu. Il a retrouvé le bleu pour la première fois. Notre ex-pilote Ferrari. le chauve pilote. Et c'est le Sainz pilote qui a fait vraiment, franchement, épatant. Hein. Alors, ce qui est d'autant plus épatant, c'est d'abord la performance par rapport à Albon, qui était encore une fois très loin. Ouais. Même d'ailleurs en sprint, hein, mais. Et surtout donc en qualif. Donc, Albon fait 15 et Sainz fait 7e en qualif et puis en course. Mais incroyable ce Carlosen. Et ce qui est d'autant plus pour moi le marquant, intéressant, c'est d'où vient ce résultat. Et Sainz l'a bien dit, Wolff aussi, après course. En fait, leur course référence, c'était Budapest. Ils ont pris le réglage de Budapest qui, pour eux, ça peut paraître étrange, mais qui, pour eux, se rapprocher un petit peu de ce qu'ils pouvaient subir au Qatar. Et ils ont fait des réglages radicaux, ils n'ont pas arrêté de bosser, hein. C'est le travail dans l'ombre. Sainz a dit, tiens, j'ai peut-être des bons réglages, il faut essayer ça dans le simulateur. Et ils sont partis dans des références de réglages totalement radicales et différentes par rapport à ce qu'ils avaient pu tester avant. Et ça a donné une voiture qui était une top team, hein, qui a pu tenir une Mercedes derrière. Donc ça, c'était quand même incroyable. Avec aucune erreur de Sainz, on a senti impliqué à fond À la radio, c'était vraiment une merveille Ah ouais, il pour était au moi taquet. à voir. C'est son meilleur Grand Prix de la saison, alors que Baku était quand même déjà extrêmement solide. Sa deuxième moitié de saison est extrêmement solide. Et voilà, c'est un deuxième podium à la régulière. Hein, on n'a pas eu des. Alors, on a eu des foirages stratégiques, mais même, on n'a pas eu des abandons. Donc, franchement, c'est une performance énorme de Williams, qu'on les voyait presque réaliser, mais dans 1 ou 2 ans, quoi, pas maintenant. Donc, franchement, c'est vraiment chapeau, chapeau. Ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'encore une fois, ouais, c'est la voiture n'a pas évolué depuis le printemps, quoi. C'est ça qui est. Ils arrivent à trouver de la ressource. Sainz, moi, là, comme toi, ce qui m'a le plus impressionné, je crois, chez lui, c'est sa détermination, cette proactivité à la radio et cette manière de gérer. Il faut qu'on fasse ci, il faut que je donne de. Enfin, il avait une vision de la course qui était. On voit encore une fois qu'il a des visions de course qui sont très très bonnes. Hein. Sainz, globalement, il sait exactement ce qui se passe et ce qu'il doit faire. Et c'est sûrement ce qui fait la différence face à Albon, notamment. En plus que là, en ce moment, il y a du rythme de son côté. Mais moi je suis très content pour Williams, je suis très content pour Sainz, je suis un peu triste pour Albon parce qu'il aurait, j'aurais bien aimé qu'il fasse un podium aussi cette année, mais bravo à Sainz de s'être remis de ce début de saison compliqué comme ça et de nous faire une fin de saison. Il est à 8, 9 points d'Albon au championnat, je crois, donc potentiellement il peut le dépasser, et même s'il le dépasse pas, il sera revenu pas loin. Ça évite la grosse rouste qu'on imaginait encore il y a 7-8 courses de ça, où il était à plus de 50 points de son équipier. Et puis franchement, ouais, moi je suis impressionné par Williams, et je pense que ça augure que du bon. Ils ont dit qu'on leur a demandé jeudi ce qu'ils imaginaient comme pour l'équipe l'an prochain, et eux ils imaginent être une place au-dessus de ça. Donc ils imaginent se hisser dans le top 4 et parmi les top teams, quoi. Donc franchement, quand on voit la progression de l'équipe, qui était encore bonne dernière il y a 2 ans, bah, on peut imaginer que ce soit possible. Franck, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la course Non, j'ai pas de beaucoup Sainz plus à rajouter que et ce que ou vous avez dit. d'Albon? C'est vrai que. Ah, est-ce que mon micro est allumé ou pas? Oui, Oui, c'est bon. on t'entend. Ah, pardon. Oui, non, j'avais un doute. Non, pas plus de choses à rajouter, pas que ce que vous avez dit. Hein. Sainz, encore une fois, très impressionnant. Je pense qu'il a vraiment trouvé ses marques dans l'équipe. C'est juste pour, voilà, pour aller sur un terrain un peu différent de ce que vous avez, de ce que vous avez dit. Je pense une vraie osmose aussi avec James Vowles, qui est en train de se créer aussi. Les deux parlent le même langage. On sent qu'il, voilà, le leadership, il est vraiment en train de venir du côté de Carlos, plus que d'Alex. Albon, pas Alex, notre Alex à nous. Mais voilà, c'est la confirmation de la stature qu'il était en train de prendre petit à petit, progressivement en F1, dans toutes les écuries qu'il a quand même traversées. On voyait d'ailleurs chez Ferrari aussi, ça commençait à être très très très bien. Hein, face à Charles Leclerc aussi, ça commençait à être vraiment très propre, Solide, ouais. très solide, très carré. Bon, maintenant, on lui a coupé l'herbe sous les pieds, effectivement, en le remplaçant par Hamilton. Mais voilà, pour moi, c'est un pilote qui est en train de justifier une montée en puissance progressive et sans haut et sans bas, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui a réussi à faire son trou en F1, clairement. Voilà, parce que moi, au début, c'est vrai, quand il est arrivé en F1, c'était un petit peu le fils d'eux. Carlos Sainz senior, et c'était quand même pas des fois des choses qui n'étaient pas encore hyper, voilà, c'était un peu limite, mais finalement, voilà, il a vraiment fait son trou en F1 et aujourd'hui c'est un des pilotes les plus solides, et j'ai vraiment envie de rendre hommage à Carlos pour ça, parce qu'il a une image voilà, de pilote extrêmement professionnel avec maintenant beaucoup d'expérience, et puis qui, en plus de sa partie chez Williams, a aussi une voix qui porte de plus en plus sur le côté sécurité, FIA, règlement et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui est, voilà, vers lequel on se réfère de plus en plus dans les briefings pilotes sur ce genre de sujet. Donc là, j'avais envie de booster un petit peu aussi cette image-là de Carlos ce soir dans le live, parce que bon, j'ai pas beaucoup plus à rajouter sur la performance de l'équipe, sur ses choix techniques vraiment effectivement très éclairés sur ce Grand Prix en termes de réglage. Et voilà, j'espère bien que Williams saura nous faire une très bonne F1 l'année prochaine. On sait que le moteur devrait être à peu près au rendez-vous. Maintenant, effectivement, on espère que Grove a mis les petits plats dans les grands en termes de processus, en termes de méthode, en termes de conception, en termes de production aussi, pour que ça suive. Voilà. Mais franchement, je pense que c'est le cas. Honnêtement, l'équipe a quand même vraiment grandement progressé en termes de construction et de gestion. Et je pense que de ce que j'en sais, a priori, le développement de la voiture 2026 a été fait de manière très très complète. Le seul élément qui ne progresse pas chez Williams, c'est Albon. Hein. Albon, ça fait 5 courses, 6 courses qu'il est totalement mis sous l'étiquette noire par Sainz. En Q2, il est plus lent qu'en Q1. Bon, après, la stratégie, bah, elle est ruinée par ses petits cas, mais bon, je ne sais pas à quel moment on commence à s'inquiéter pour Albon aussi. Pour moi, il n'y a pas péri dans la demeure cette année. De toute façon, il a fait une bonne saison. Il a quand même été c'est lui qui a tenu la barre tout le début de saison. Mais effectivement, la dynamique est vraiment inquiétante pour lui. Et il va falloir qu'il se reprenne cet hiver et que l'an prochain, il redémarre sur un pied d'égalité avec Sainz. Parce que sinon, en plus, Sainz, une fois qu'il est lancé et qu'il commence à prendre la main dans une équipe, on sait qu'il ne la lâche plus. Donc, chez Ferrari, il n'avait pas pu parce que c'était Leclerc en face. Mais on se rappelle avant que chez McLaren, il était quand même bien solide face à Norris. Chez Renault, face à Hülkenberg, c'était pareil. Donc, bon, il est passé dans les belles équipes. Mais en plus, il a toujours fait son trou. Il a toujours eu sa crédibilité dans l'équipe, quelle qu'elle soit. Et évidemment, ouais, c'est le client pour Albon. Ouais, Albon a intérêt à faire un bon reset mental ce court hiver qui nous attend. Sainz doit être finalement content d'avoir quitté Ferrari. Oui, oui et non, parce que bon, Ferrari, c'est quand même Ferrari. Hein, Il a quand même le petit sourire au coin quand on lui demande ce qui se passe chez Ferrari. Tout ça. Mais bon, il dit quand même diplomatiquement qu'il n'a pas trop envie de commenter. None of my business. C'est ça. Et puis bon, c'est vrai qu'après, même si Hamilton en chie et que c'est vraiment une saison horrible pour lui, Leclerc a quand même fait 5 podiums. La saison n'est pas horrible. Enfin, il n'y a pas eu de victoire, mais la saison n'est pas horrible par rapport à la saison de Sainz chez Williams. Donc... Okay, il est content de ne pas avoir rejoint Alpine, ça c'est sûr. Encore un pilote qui n'a pas voulu y aller et qui a bien fait. Mais c'est vrai qu'on pense aussi que ça aurait pu être le pilote dans la deuxième Red Bull et que ça aurait sûrement changé les choses pour Red Bull de l'avoir comme aide de Verstappen dans cette fin de saison. Ça, c'est sûr aussi. Voilà pour Williams. Et James Vowles participera à une course d'endurance le week-end suivant le Grand Prix d'Abu Dhabi. Il fera la course des 12 heures d'Abu Dhabi dans une équipe de McLaren. Enfin, dans une McLaren 750 GT3. Et voilà, donc... Et les pilotes sont contents aussi, puisqu'ils ont dit que ça leur rapprochait en termes de langage parlé. Comme tu disais, Franck, il parle le même langage que ses pilotes. Et c'est vrai que ça aide bien à ce qu'ils sachent aussi... un peu plus s'impliquer au niveau des pilotes et de ce qu'ils ressentent au volant. On va passer à Mercedes. Alors Mercedes, Antonelli, bon, ben on en a parlé tout à l'heure, a eu des déboires sur les réseaux sociaux à cause d'Helmut Marko notamment et de Jean-Pierre Lambiasé, mais le week-end, 5e Antonelli, 6e Russell, il s'était qualifié 4e et 5e, Russell a raté son départ et bon, la course a été un peu plus compliquée pour lui parce qu'il était dans le train derrière Alonso. Antonelli a réussi à être un peu plus haut classé. Mais bon, une petite déception peut-être pour Mercedes quand même de ne pas avoir réussi du tout à se mêler à la lutte entre les deux top teams, Franck. Oui, c'est sûr. On aurait un petit peu mieux. Après, je crois que pour avoir revu un peu les images, que les deux Mercedes, elles ont un petit peu été bloquées dans les stands quand il y a eu tout ce train de... Voilà, tout ce train d'arrêt au stand à faire au huitième tour, du coup, au début du huitième tour. Donc, je crois que Russell perd un peu de place. Évidemment, Tony perd un peu de temps aussi derrière son équipier. C'est vrai que ça les a pas aidés, mais le rythme de course, effectivement, d'Antonelli en ce moment est vraiment, vraiment très impressionnant. Mais peut-être qu'il a aussi un petit peu trop tapé dans ses pneus. Voilà, j'ai envie de dire qu'il a eu quelques louanges, mais sur la fin de course, effectivement, il s'est un petit peu écroulé. Ce qui, d'ailleurs, a effectivement permis à Norris de le passer, parce que voilà, il partait un peu au large. Le jeune italien, mais ça reste quand même très solide. J'ai envie de dire que certes, ouais. Il n'y a pas les chaleurs extrêmes de la première édition du Qatar, parce que le Qatar était 2 mois avant dans le calendrier, donc là c'est vrai que c'est des chaleurs plus supportables, mais en termes de physique notamment, ça restait quand même très exigeant, hein. Il l'a dit à l'arrivée, Antonelli, c'est vraiment le Grand Prix le plus physique qu'il ait connu jusqu'à maintenant, et il... Peut-être que ça l'a aussi un petit peu déconcentré sur la fin de course, en tout cas enlevé un peu de focus, comme il dit. Et voilà, il commençait effectivement aussi à sentir un petit peu la fatigue. Et personne ne peut lui en vouloir, hein. C'est la première fois qu'il abordait le Qatar. Et c'est vraiment une course qui exige énormément. Donc voilà, c'est un petit peu aussi à mettre un petit peu en termes d'explication sur sa fin de course qui a été un petit peu plus chaotique. Et Russell, ouais, effectivement, je pense qu'il avait, il était un ton en dessous encore d'Antonelli sur ce week-end-là. Attention quand même à la suite, même si Russell avait fait quand même un bon, de bonnes qualifications et de bonnes performances. C'est vrai qu'en course, c'était un peu moins flagrant. Effectivement. Toi, Alex, qu'est-ce que tu pensais de ce course de Non, mais Mercedes? pareil, un poil déçu, un poil déçu. Après, pour parler du classement des constructeurs, Mercedes a désormais 33 points d'avance sur Red Bull pour la troisième place. Donc, il faudrait que Verstappen gagne et que Tsunoda fasse cinquième. Autrement dit, ça, quand même, ça sent très très bon et que Mercedes abandonne. Donc, ça commence à sentir très bon pour la deuxième place de Mercedes. Hein. C'était pas gagné non plus. Et grâce à Antonelli qui finit très bien la saison et qui revient à 2 points de Hamilton aussi au classement pilote, bah, cette deuxième place va se matérialiser. Mais bon, voilà, j'en attendais plus. J'en attendais plus. Un petit peu plus de Mercedes ce week-end-là. Assez d'accord, effectivement. J'ai pas grand-chose à ajouter sur ce que vous avez dit. Moi, c'est pareil. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus proches du podium et de la lutte pour la tête. On va passer à Aston Martin avec un excellent Fernando Alonso tout le week-end. Qualifié quatrième pour le sprint. Un peu plus difficile la course du samedi. Et puis, de nouveau, une qualification dans le top 10 le samedi. Et une course qui termine à la 7e place. Donc, bah ouais, Alonso a Faut vraiment. plaisir au nouveau directeur d'équipe, quand même, en parler. Et oui, alors évidemment, puisque c'est quand même le. J'allais y venir après, c'est la grande nouvelle. Parce que c'est vrai que bon, au niveau de la piste, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, Stroll n'a pas été au niveau, malheureusement, j'ai tenté de dire, c'est un peu Je voulais compliqué. mentionner maintenant parce que Alonso lui rend beaucoup hommage à Newey sur Oui. justement sur le fait que il était là ce week-end. Donc bon, effectivement, voilà, et que ça, il avait beaucoup participé effectivement aux réunions techniques. Et en fait, dès que Newey est là, qui participe au briefing, Alonso l'a dit, il est là, il donne des solutions. Alors que souvent, les briefings pilotes, ils sont très longs chez Aston, comme il a dit Alonso, et derrière, il n'y a pas de solution. Voilà. Et là, clairement, avec Newey dans, il a dit, voilà, avec Newey dans les réunions, quand il est là, bah voilà, y a deux, trois pistes, il prend deux, trois ingénieurs en aparté, sur des points bien précis. Voilà, il leur dit voilà, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour ci, ça et ça, qui pourrait fonctionner en conjonction avec ceci, cela. Et apparemment, ça a bien porté ses fruits sur les réglages de la voiture, en tout cas d'Alonso, ce week-end. Donc voilà, il a fait un bon petit hommage, là, si vous l'avez lu sur le site aujourd'hui, sur l'impact que Newey peut avoir. Bon, alors certes, il n'est pas encore directeur d'équipe, hein, il ne sera qu'en 2026, mais il a déjà pris. Je pense le rôle au moins officieusement. Là, il l'apprend un petit peu, voilà, sur le, voilà, en termes de, comment dire, en termes d'exécution, en termes d'opérationnel, en étant peut-être un peu plus à l'écoute de ce que font tous les membres de l'équipe et pas uniquement la partie technique. Mais voilà, c'est, il y a déjà un impact, quoi, et on sent que Newey est pas là pour enfiler des perles, clairement. C'est un petit peu devenu son projet, hein, son dernier projet. Voilà, il est quand même actionnaire aussi de l'équipe. Et donc, si Alonso, effectivement, est capable de ressentir ça de son côté directement, bah c'est très bien. Alors maintenant, est-ce qu'on peut imaginer un Newey Team Principal en 2026 qui aussi dirige l'équipe technique des ingénieurs de piste? Pourquoi pas, hein? Moi, je dis, c'est bien d'avoir ces doubles casquettes. C'est bien. Effectivement, alors c'est vrai que c'est quand même la grosse news de cette semaine chez Aston Martin, c'est l'annonce de Newey qui devient team principal en plus de de ses autres casquettes. Alors moi c'est vrai que j'ai été un peu surpris et je suis un peu sceptique parce que souvent les gens qui, aussi bons soient-ils, les gens qui cumulent des responsabilités exécutives comme ça et des responsabilités techniques, souvent ça fait un peu trop à gérer. Lui a promis qu'il n'avait pas à délaisser le côté technique. Est-ce que Newey, alors moi c'est quand même la petite question que je voulais poser. À votre avis, est-ce que Newey ne veut pas trop en faire dans ce projet? Parce qu'on voit que maintenant Aston Martin est en train de devenir le Project Newey, hein, vraiment, il est au centre du truc et il veut le remonter et le faire gagner. Est-ce que, à votre avis, il Ouais. n'y a pas trop d'ambition du côté de Newey, qui est quand même non plus pas tout jeune et qui va se retrouver avec beaucoup de choses à faire? Ouais, moi je suis de cet avis, hein. Après, il y a aussi Mike Krack qui va prendre également C'est beaucoup de ça. choses, hein. On découvre une autre facette de Newey qu'on connaissait un petit peu moins, c'est le Newey qui fait de la politique. Peut-être que ça lui manquait, peut-être à son âge, il s'est dit, ben voilà, c'est encore la case que je n'ai pas cochée. On peut pas lui en vouloir hein, de vouloir être directeur d'équipe. Voilà, ça fait peut-être beaucoup. Après, on peut se dire aussi qu'il a peut-être fini l'essentiel du travail sur 2026, mais 2026, ça va être une course permanente au développement donc, qui ne s'arrêtera véritablement jamais. Donc, moi, je fais plutôt partie des sceptiques. Après, voilà, les directeurs d'équipe, est-ce que ça va leur ajouter beaucoup de choses, j'en sais rien. Hein. De toute façon, on a l'impression d'un UE qui prend le pouvoir, hein, clairement. Mmh. Ouais, moi je pense qu'il a le titre de directeur d'équipe plus dans le sens c'est lui qui prend la décision finale sur ce qu'il a envie. Et clairement, je pense qu'un Mike Crack derrière s'occupera très bien de toutes les opérations de piste et que à l'usine il y aura quelqu'un pour le seconder à un moment ou un autre sur tout ce qui est administratif. Je vois pas du tout passer 10 heures dans son bureau à signer des embauches, des promesses d'embauche, des licenciements, des différentes décisions purement voilà, la facture de chauffage, genre de trucs, c'est pas du tout là son voilà. Il y aura quelqu'un qui va gérer ça comme souvent ça, voilà, c'est un secrétaire général ou quelqu'un, voilà, ce genre de choses qui aura peut-être plus de tâches, voilà, tout ce qui est administratif sera fortement délégué. Son titre de directeur d'équipe, pour moi, il est clairement presque honorifique, en fait. En gros, c'est je suis celui qui va décider de toutes les décisions à prendre pour l'avenir de l'équipe, en termes d'investissement, en termes de structure, en termes d'embauche clé. Voilà. Mais. Le chauffage, c'est pas important plus. Aussi. Oui, la cantine aussi, d'ailleurs. Très surtout la cantine. Surtout la cantine. Et team principal, il y a quand même un truc où tu es censé chapeauter tout. C'est aussi toi qui es normalement chef d'orchestre à la fois de la technique, de l'opérationnel, de l'exécutif, etc. Et du coup, c'est vrai que ça fait quand même si, alors même s'il y a pas mal de monde pour le seconder, qu'il a des gens derrière lui, etc., et qu'au final, c'est un peu un truc honorifique, il y a quand même une vraie responsabilité. Et alors, déjà, moi, c'est ça qui me laisse penser quand même que c'est quand même un peu dangereux comme truc. Clairement, New Way prend la responsabilité complète de l'avenir d'Aston Martin, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que si le projet réussit, ce sera sa réussite, si le projet échoue, ce sera son échec, parce que malgré tout, l'équipe va être entièrement façonnée par ses décisions à partir de maintenant, et ça c'est quand même vraiment important, et je pense qu'en plus Lawrence Stroll le met là, parce que justement Lawrence Stroll va déléguer les décisions, et je ne serais pas étonné non plus que Lance Stroll vive sa dernière saison 2026 dans l'équipe, parce que s'il a vraiment du pouvoir, à mon avis, une des premières choses qu'il va faire, c'est de remplacer le pilote qui ne fonctionne pas, et ensuite, on a vu effectivement, comme tu l'as dit Alex, un nouvel très politique qui nous a sorti une langue de bois sur le départ d'Andy Cowell qui a été incroyable en nous expliquant qu'en gros, Andy Cowell s'est rendu compte qu'il aurait beaucoup à faire et du coup, il s'est dit, est-ce que finalement, j'étais pas laissé mon poste de team principal qui est quand même le poste ultime. C'est généreusement proposé. Ouais, c'est ça. Il a été vraiment un esprit d'équipe. Ça fait chaud au cœur. Enfin bon. Ça, c'est vraiment de la com, genre les gars, sortez les pipeaux. C'est trop là. N'hésitez pas, voilà, c'est trop. Ouais, par contre, vas-y. Là, juste pour répondre dans le chat, on demande si on n'avait pas sous-entendu que c'était temporaire. Pour moi, ça peut l'être encore, effectivement. En tout cas, pas jusqu'à. Il l'a dit lui-même, hein, de toute façon, il comptait participer au premier Grand Prix de 2026. Donc jusque-là, il n'y a aucun souci. Maintenant, il n'a pris le poste, j'allais dire, que, entre guillemets, de directeur d'équipe, alors qu'Andy Cowell avait le poste de PDG et directeur d'équipe. Donc pour l'instant, il y a la case PDG que Aston Martin F1 pourrait re-remplir si elle le voulait. C'est là qu'il y a eu une supputation d'ailleurs d'une éventuelle arrivée de Christian Horner derrière, qui a du coup été démenti aux employés de l'usine, enfin, en tout cas à l'usine lors d'une réunion personnelle. Donc après, il n'y a pas de Christian Horner dans les plans. Mais on peut très bien effectivement aider, imaginer, bah, comme à l'époque, avant Andy Cowell, c'était Martin Whitmarsh, voilà, quelqu'un qui puisse prendre le poste de PDG. Et s'il n'y a pas de poste officiel, il y aura, à mon avis, quelqu'un. Ça peut être aussi Mike Crack, hein, puisqu'il il a assuré ce poste-là aussi. Hein, il l'a fait avant Cowell et compagnie. Mmh. Donc, Mike Crack sait très bien faire la partie administrative et tout ça, et se la gérer à son compte. Donc, pour moi, ça va un petit peu évoluer aussi. On attend de voir comment Newey s'en sort. Mais en tout cas, sur les 6 prochains mois, là où il y a vraiment des décisions fortes à faire en termes d'investissement, en termes de technique, en termes de développement, le fait que ce soit Newey qui soit le seul maître à bord, entre guillemets, des décisions principales, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Après, sur le long terme, je suis moins convaincu. Bon, pour moi, il pourrait faire revenir Mars Aftower à ce poste-là. Ce serait pas déconnant. Il connaît l'équipe. Et c'est une excellente personne à ce niveau-là. Bah, ça ne serait pas avec Lawrence Stroll, de toute façon. Je pense que Newey, il veut quelqu'un de pas connu et qui ne lui fasse pas de l'ombre. Hein. Ouais, c'est possible aussi. Et Mollusque dit attention à pas devenir le fusible, ça ne marche pas aussi bien qu'espéré. Mais il faut bien se rendre compte que New Way est pas un fusible. Hein. New Way, c'est le générateur complet du truc. Hein. C'est pas, si ça marche pas, ce sera son échec et il en prendra sûrement les conséquences et les responsabilités. Mais déjà, ce sera pas tout de suite parce qu'il va faire ce qu'il faut pour essayer que ça marche. Et dans tous les cas, il reste quand même managing partner, machin, avec des billes dans l'équipe et tout. Donc. Au pire des cas, il fera sauter les fusibles qu'il estime responsables, mais et puis, il a pas de risque pour lui. Hein. Encore une fois, il n'y a pas que New Way. Hein. Un des facteurs décisifs l'an prochain pour Aston Martin, ça va être Honda. Alors, il a fallu encore démentir des rumeurs aujourd'hui comme quoi le moteur serait en retard et que ce serait même New Way qui avait assumé que le moteur soit en retard, qu'il n'arrive pas prêt aux essais de Barcelone en fin janvier. Bon, voilà, on ne sait pas évidemment si c'est vrai, probablement pas, mais le moteur Honda, ça reste un point d'interrogation et c'est ce qui va dicter la performance d'Aston, peut-être beaucoup plus que New Way, qui n'est pas ingénieur motoriste. Comme ça, il pourra dire, regardez, c'est la faute de Cowell. Et en tout cas, t'allais dire quoi, Franck ? Non, j'allais pour finir aussi sur Aston Martin, pour finir après moi. Aston Martin a donc communiqué la date de présentation de sa F1, donc ça sera le 9 février. Donc on avait déjà eu les deux dates de Red Bull et Racing Bulls à Détroit au 15 janvier, mais ça sera uniquement sur des livrés sur des maquettes hein, ou d'anciennes F1. Ça sera plus une question de marketing. Mais la première vraie présentation de F1 attendue, ça sera donc le 9 février de la MR26. Et c'était exactement ce que j'allais dire. Donc voilà, tu m'as devancé. Effectivement, si personne vient article, mettre... oh si personne vient se mettre avant, ce sera comme en 2022, ce sera eux les premiers à présenter la voiture. Parce qu'on se rappelle que la première voiture de cette génération actuelle, c'était la MR22 qui avait été présentée et qui avait une tête assez, assez surprenante d'ailleurs à l'époque. Voilà en tout cas pour Aston Martin qui a repassé du coup As pour la 7ème place du classement et qui semble en mesure d'aller verrouiller cette place à Abu Dhabi parce qu'il y a quand même maintenant 7 points, 8 points d'écart, je ne sais plus. Donc voilà, c'est aussi bien vu de la part d'Alonso d'avoir marqué des points deux fois ce week-end. On va passer à Ferrari. Ferrari avec la 8ème place de Charles Leclerc, la 12ème place de Lewis Hamilton, un week-end très très très compliqué pour Ferrari. On va pas se cacher que là, si l'équipe n'a pas vraiment touché le fond parce que Leclerc était là, il y a quand même eu beaucoup beaucoup de choses qui sont pas allées, à commencer par Charles Leclerc lui-même qui a été quand même assez brutal dans ses commentaires, qui a eu des difficultés à tenir la voiture sur la piste, qui a dit d'ailleurs qu'il n'y arrivait pas. Il se qualifie 9ème pour le sprint. Il a perdu des places au départ avec un premier tour où il n'avait absolument aucun grip. Il se qualifie 10ème pour la course et pareil, il a été un peu perturbé par un manque de grip et par l'inquiétude de ce qu'il avait vécu le samedi pendant la course. Au final, un week-end très compliqué quant à Hamilton, éliminé en SQ1 et en Q1 vendredi et samedi. Et puis bah, forcément, les courses qui vont avec. Donc Franck, je te laisse la parole malgré tout parce que je sais ton équipe de cœur, mais c'est vrai que c'était compliqué ce week-end. Ouais, là franchement, c'est un toucher le fond. L'explication principale de Frédéric Vasseur, c'est que les pressions imposées par Pirelli sur ce Grand Prix-là étaient assez nettement plus élevées que sur d'autres Grands Prix, évidemment pour ces problèmes d'usure, de graining et de longévité des pneus, pour éviter les entailles, les coupures. Qu'on a d'ailleurs pu voir, on n'a pas noté sur le premier jour, voilà, à cause des graviers, mais bon, heureusement, il n'y a pas eu de soucis. Quelconque de crevaison ce week-end, voilà, petite parenthèse fermée. Et voilà, a priori, c'est ça qui vraiment aurait empêché Ferrari d'exploiter le potentiel, j'allais pas dire le potentiel normal en tout cas de la Ferrari S25, c'est-à-dire qu'effectivement des pneus Pirelli un peu plus gonflés et qui ont plus tendance à un peu plus surchauffer sur la Ferrari que sur d'autres. Quand vous mettez en plus un peu plus de pression d'air au départ, ça a encore plus tendance à accentuer la surchauffe. Et du coup, voilà, en termes de grip et d'adhérence, ils n'y étaient pas du tout. Ils n'ont pas réussi à trouver les bons réglages, ils n'ont pas réussi à trouver la façon de contourner ça, contrairement aux autres équipes avec lesquelles elles se battent actuellement. Mais bon, c'est vraiment un week-end à oublier. Autant pour Leclerc qui quand même sauve 4 points, je crois, donc au final. C'est ça. Extrêmement maigre, autant dire, bah ça y est, du coup, ils ont perdu toute possibilité de finir deuxième ou troisième du classement constructeur, donc ils finissent quatrième cette année. Donc. Pire position depuis 2020, il me semble. Voilà, puis on a Hamilton, c'était encore une fois extrêmement compliqué. Encore une élimination dès la SQ1, élimination dès la Q1. C'est après l'élimination dernier en performance pure à Las Vegas qui avait fait mal. Là, c'est quand même une confirmation quand même. Donc là, c'est vraiment le calice jusqu'à la lie pour Hamilton qui voilà, c'est là c'est bon. Est-ce que voilà, est-ce que, la question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est le début de la chute ou est-ce que c'est un simple soubresaut voilà, dans son parcours en attendant une monoplace qui s'affranchira de ce pas totalement mais de l'effet de sol voilà qui fait vraiment du tort depuis 2022. La réponse sera clairement en 2026 pour le coup. Si la Ferrari est bonne en 2026 et qu'il est à l'aise avec, bah voilà, 2025 sera juste la seule année vraiment catastrophique, j'ai envie de dire, dans sa carrière. En tout cas, personnellement, parce que j'exclus le fait que Mercedes n'était pas super compétitive au début de l'ère de l'effet de sol. Là, effectivement, il était au niveau de ce que Mercedes était. Là, clairement, Hamilton n'est pas au niveau de ce que la Ferrari est, de ce que Leclerc est capable d'en tirer. Donc voilà, tout le monde, enfin tous les fans d'Hamilton, mais je pense que tout le monde, voilà, tout fan de F1 sensé et respectueux, espère que Lewis pourra au moins faire une belle dernière année chez Ferrari, rebondir. Parce que voilà, clairement, moi je passe à autre chose, hein, 2025 c'est terminé pour moi là, depuis un bout de temps, pour eux aussi. Hein, ils ont quand même révélé qu'ils avaient basculé dès avril, voilà, Vasseur a quand même révélé que dès avril 2025 ils avaient basculé sur 2026, alors, sans ouais. aucun développement. Donc, ça, voilà. Ça, je voudrais revenir sur ça, parce que en fait, Vasseur, je pense qu'il a lâché l'info pour un peu désamorcer les critiques de cette fin de saison. Le problème, c'est qu'il a mis pas mal d'attentes autour de Ferrari l'an prochain. À mon avis, il n'aurait pas dû le dire. Je pense qu'il a fait pour se sortir une vision ouais. un peu de court terme. Je me sors des critiques en disant « Mais rassurez-vous, on prépare un truc d'énorme pour 2026. Hein. » Bon, il n'a pas dit comme ça, mais en disant « On ne travaille plus depuis avril. » C'est l'impression que ça donne. Et du coup, on a beaucoup plus d'attentes pour 2026 et ce n'est pas la meilleure idée. De plus, on a parlé de Williams. Williams n'a pas fait évoluer sa voiture de l'année, quasiment. Même chose que Ferrari. Et regardez le Grand Prix qu'a fait Sainz. Donc chez Ferrari, il n'y a pas qu'une question d'évolution, on n'a pas assez bien bossé. C'est le bon exemple que j'allais te dire, c'est ça, celui de Williams. Après, il a aussi dit qu'il avait sous-estimé la pression psychologique que ce choix avait effectivement aussi, ce choix d'arrêter le développement. Voilà. En fait, c'est la pression des pneus, la pression psychologique. La pression italienne, la pression de la presse. En fait, voilà, pourquoi ils ont raté ce week-end ? Eh bien, pour se laisser de la flexibilité pour l'an prochain. Je suis assez étonné par cette gestion de communication chez Ferrari où finalement, j'ai l'impression qu'en voulant désamorcer les choses, on amorce énormément de problèmes en plus. On n'a pas toute la saison, ils n'ont jamais dit que le développement était arrêté jusqu'en 2000, pour 2026. Enfin, le développement 2025 était arrêté à partir d'avril et qu'ils allaient jusqu'à partir de là sur 2026. Et là, on nous le sort maintenant alors que la saison a déjà commencé à vraiment aller mal depuis un moment. Mais c'est pour désamorcer les critiques, moi je pense. Ouais, et puis, de toute façon, ils n'ont plus le droit de se cacher. C'est impossible. 2026 doit être une réussite, hein, quoi qu'il arrive. Sinon, tout le monde saute. Vasseur saute, Hamilton saute, et Leclerc, je pense qu'il ira voir ailleurs. Si les rumeurs disent vrai et qu'il est courtisé par Aston Martin, sûr et certain. Voilà. Si la saison de Ferrari est catastrophique l'an prochain, je vais vous dire que c'est la révolution de palais comme jamais on en a vu chez Ferrari. Ouais, Leclerc, de toute façon, les déclarations de Leclerc à Las Vegas qui dit on a jamais, depuis que je suis là, il n'y a jamais une voiture qui fonctionne sous la pluie et tout. On sent qu'il en a marre et je comprends. Parce que là, pour le coup, c'est lui qui tient l'équipe à bout de bras depuis. Enfin, bref, Sainz, ça fait quelques bons trucs et tout, mais malgré tout, c'est quand même lui qui tient l'équipe à bout de bras depuis 2020. Et franchement, c'est quand même compliqué, oui. Il y a des signes qui ne trompent pas, c'est Leclerc qui râle, Franck qui a une gourde McLaren, enfin c'est... c'est la débandade. Hein. C'est la débandade. Mais c'est vrai que c'est... Et puis là, effectivement, le problème, c'est que je pense que les attentes étaient déjà énormes sur 2026, parce qu'ils ont rapidement dit qu'effectivement, 2025 n'était pas parfaite, mais que 2026, on avait beaucoup travaillé tout ça. Et en fait, rajouter encore une couche d'attente là-dessus... Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que en fait il y avait déjà beaucoup d'attentes, mais là maintenant, effectivement, comme tu dis, si la saison 2026 est pas bonne, Ferrari implose. Là c'est vraiment c'est l'implosion totale. Et franchement, et je suis d'accord avec toi. Ce sera justifié. On sera justifié entièrement. Et je suis d'accord avec toi que on vivra la pire révolution de chez Ferrari depuis peut-être les années 80 ou début 90. Avant que Montez et Bolo reprennent tout en main. Voilà, ou juste avant l'ère Todd, où il y avait vraiment eu tout qui avait changé. Et franchement, ouais. Je suis. Et ce serait justifié si jamais, parce que là, avec tout ce qu'ils ont fait et les bases qu'ils avaient, effectivement, ça peut pas marcher autrement. Yves qui dit Hamilton a été annoncé comme le Messi transfert du siècle, etc. Moi, alors, je m'attendais évidemment à beaucoup mieux. Clairement, je pense qu'on s'attendait tous à beaucoup mieux. Bah, je le défendais jusqu'à la mi-saison, mais c'est vrai que là, j'ai un peu de mal quand même. On a toujours dit qu'il fallait se méfier de Leclerc quand même. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit au niveau de Leclerc et je m'attendais à ce qu'il y ait une vraie bataille entre les deux. Ça n'a pas du tout eu lieu. Il n'y a pas match. Mais c'était pas non plus le Messi. Ferrari avait déjà amorcé un redressement sans Hamilton. L'an dernier, la saison de Ferrari, elle est bonne. Les saisons 2022-2023 sont pas mauvaises. Il y a quand même vraiment des signes chez Ferrari depuis 2020-2021 où ça avait déjà un peu touché le fond, 2020 surtout. Il y a des choses qui ont progressé chez Ferrari et l'ère Binotto, même si tout le monde en parle un peu négativement, il y a eu des bonnes choses. Faut pas oublier que début de la réglementation actuelle, c'est Ferrari qui fait la meilleure voiture. Donc c'est pas le redressement de Ferrari, c'était déjà enclenché. Là, le problème, c'est justement qu'on revient à une Ferrari qui recule. Dans la hiérarchie qui repart en arrière. Et pour moi, c'est assez, assez grave. Donc, c'est vrai que c'est un peu problématique. Bon, j'essaie de comprendre, Molus, ce que tu dis. Il me semble que c'est Pierre Van Vliet qui disait ça, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Après, l'attente de malade, ça a généré une hype parce que forcément, on voyait Hamilton chez Ferrari, un nouveau pilote chez Ferrari, etc. C'était, voilà, c'était... Et ils sortaient une saison 2024 où ils étaient en train de battre McLaren, quand même. Exactement. Ils finissent à moins de 15 points du titre constructeur. Et voilà. Au premier tour à Abu Dhabi, ils sont champions. Ouais. Donc, la hype, elle n'était pas seulement avec Hamilton, elle était chez Ferrari parce que justement, on disait, avec les progrès qu'ils ont fait entre 2023 et 2024, s'ils font la même chose, ils sont candidats au titre. Et on a commencé la saison en pensant que ce serait une lutte pour le titre McLaren-Ferrari. Donc voilà, finalement c'est plutôt McLaren contre McLaren. Mais ça c'est autre chose. Mais voilà, le fait est que c'est vraiment. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement la dynamique est vraiment mauvaise. Et j'espère pour Vasseur, parce que j'ai pas envie qu'il échoue. Et j'espère pour ses pilotes, parce que c'est un duo de pilotes qui est censé fonctionner très bien. Que l'an prochain sera meilleur, mais je suis assez inquiet pour Ferrari. Il n'y a pas le choix, il faut que ça 2026 soit réussi. Voilà. Ouais. Ah ben sinon, ouais, c'est clair, sinon ils vont tout détruire pour tout recommencer. Hein. Et mais le problème, c'est que tout détruire pour tout recommencer, ça fait encore perdre des années, quoi. Ben 4 ans ou 5 ans. Ouais, c'est ça. Et très bonne question de Yves, on en revient toujours à une question. Pourquoi refaire une voiture en partant de zéro la dernière année de réglementation? Ils ont fait une McLaren 2013, c'était une connerie, on l'a dit cet hiver, on vous l'a dit dans l'émission, on vous avait dit que c'était un risque qui était... Moi j'avais dit en tout cas que c'était un risque pour moi, ce qui était trop dangereux à prendre, parce que effectivement le but pour Ferrari c'était de changer sa conception, de se préparer à avoir une voiture avec une suspension avant attirant, parce que c'est ce qui est probablement... Comme McLaren, comme Red Bull là finalement, ils sont à niveau. Et c'est probablement ce qu'ils auront sur la voiture l'an prochain, néanmoins... le faire sur la dernière année de réglementation où ils savaient très bien qu'ils n'auraient pas le temps de développer la voiture, on l'avait dit ça, on l'avait dit précisément dans l'émission, c'était très risqué et ça a coûté cher à Ferrari parce qu'effectivement, tu ne peux pas faire une voiture avec une toute nouvelle suspension à régler, à développer et à peaufiner. Et on parle d'une voiture qui a été présentée en février, qui a été roulée en février-mars, et en avril, ils ont arrêté le développement. Donc c'est sûr que la suspension, ça n'allait pas fonctionner, c'est sûr que le concept n'allait pas marcher. Et franchement, il aurait mieux valu partir sur la base 2024 pour faire ça, si c'était pour l'arrêter en avril. Après, McLaren aussi, beaucoup plus bouleversé sa F1 que prévu aussi. Hein. Ils ont eu plus de flexibilité dans le développement. Voilà. Oui, mais flexibilité dans le développement, quand tu arrêtes le développement un mois plus tard, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, mais les autres, ils étaient beaucoup moins flexibles. Quand ils disent qu'ils arrêtent en avril, c'est pour des pièces qui sortent en juillet ou août hein, aussi. Hein, parce que je vois pas, il y a quand 2-3 mois quand même. Voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la recherche sur la voiture a arrêté. Voilà. La recherche s'arrête en avril, là où les autres sont arrêtés au mois de mai ou au mois de juin. Voilà, c'est peut-être pas forcément un gap énorme par rapport aux autres. Mais c'est vrai qu'en termes d'ingénierie, en tout cas, de conception, effectivement, c'est, si on en croit Vasseur, en tout cas, avril a été le point de rupture, de basculement sur le projet 2026. Mais donc, ça veut dire qu'entre la mise en piste de la voiture et l'arrêt du développement, de la recherche de R&D, il y a eu 2 mois. Enfin, c'est improbable pour une voiture après, qui est... Après le mot passionné, on a le mot flexibilité, donc. Oui. C'est le mot-clé du jour. On va faire ça à chaque émission, un mot-clé. À Abu Dhabi, je sais pas que ça, quel mot-clé ça va être. Attention, fiasco, fiasco. Cinquième. Peut-être que le mot-clé sera FIA. Le mot-clé sera abandon. Je dis pas pour qui. Y a qui. Ah ben, je dis pas. Tes trois principaux protagonistes. Les trois se percutent au premier virage terminé. Non, non, c'est Tsunoda qui veut tant qu'il se rate et qui envoie les trois. voilà, en tout cas, donc bon, bah. Sobright a raison, les premiers essais, c'est le 26 janvier. Hein. Donc c'est déjà demain et les équipes ne vont pas avoir vraiment d'hiver. Hein. C'est la période la plus occupée, hein, l'hiver dans les équipes. Pour elle, ça sera fin janvier. Pour nous, normalement, ça sera février. Parce que si le huis clos est hyper bien respecté, tout ça, on devrait rien savoir du tout de ces essais. Ni photos, ni infos. J'ai du mal à croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas balancé un drone au-dessus de tout ça, mais bon. Je sais pas, on va voir. Ça va être drôle en tout cas, mais je pense, à mon avis. Moi, ça va être drone. Moi, je serais journaliste à Scoop en Espagne, c'est ce que je ferais. Je prendrais un drone et j'irais. Oui, c'est très difficile quand même quand t'as je sais pas combien de centaines de personnes de pas avoir de photos volées, de portables qui traînent, ce genre de trucs. Mais... C'est bien, ça va faire old school. Mais ouais, moi bon, après, c'est pénible pour le. Voilà, ça va être que du Twitter, quoi. Ça va être que du truc volé sur Twitter et puis les médias vont devoir se pencher sur la fosse à purin qu'est Twitter, quoi. C'est ça. Non, mais soyons clairs. Tu vas avoir un adolescent de 18 ans qui a réussi à se faufiler entre les mailles de grillage, qui va réussir à choper trois photos. Il va balancer ça sur Twitter et puis tout le monde va vouloir essayer de reprendre ça. Alors, t'as ceux qui vont le faire sans vergogne, t'as ceux qui vont dire merde, on a peut-être pas le droit comme ça, machin, tout ça. Puis t'as les gens maintenant qui s'en foutent, ils disent ouais, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook, on s'en fout, tu perds tes crédits, tu perds tes droits. Tant pis pour toi, tu leur prends et basta quoi. On sera obligé de créditer les photos à Kevin du 66 ou un truc comme ça. Non mais ça va être typiquement ce genre de choses. Hein. C'est ce que je crains énormément, avec des photos floues. Avec des photos floues pas possible, bon, il faudra retravailler ça par l'IA, il y a des très fortes IA maintenant pour faire ça. Mais voilà, c'est. Non mais le pire, ça va être toute la spéculation parce qu'on n'aura que des photos dégueulasses. Et on se rappelle que quand il y a un shakedown, genre la Red Bull il y a deux ans, l'an dernier. On nous disait n'importe quoi dessus, parce que la photo était tellement pourrie. Tout le monde disait, oh là là, mais le capot, il est comme ça, machin. C'était pas du tout ça. Donc, en fait, on va avoir 3 jours, enfin 5 jours de spéculation qui vont être absolument terribles. Terribles. Je pense, Molus, que c'est pas les équipes qui vont générer des trucs par IA, c'est les fans, à mon avis. Hein. Les équipes vont rien générer du tout. Mais non, ça va être un peu le bordel à suivre. Et bon, on sait pas trop comment ça va être vraiment suivable, du coup. Parce que les équipes vont devoir un peu communiquer. Normalement, c'est pas suivable du tout. Normalement, ouais. on est censé faire un article sur comment Alonso a gagné la course de Malaisie 2012. Voilà, ce jour-là, parce qu'on n'aura rien d'autre normalement à se mettre sous la dent. Mmh. Je veux dire. Tout le monde s'en intéresse, c'est parce que Sergio Pérez a fait une erreur. Mais clairement, voilà, moi, j'ai pas encore fini de creuser le tunnel jusqu'à Barcelone. C'est 50 mètres à creuser. Bon, ah, ça, t'as je serai pas dans les temps, hein, je suis désolé. Ah merde, je vais creuser jusqu'au circuit de Madrid. En même temps, ça les arrangerait, parce qu'apparemment, ils sont pas en avance. Tu vas sortir, tu vas faire. Mais pourquoi il y a de l'angle sur ce virage? Le trou de la taupe. On va passer à Racing Bulls avec la 9e place de Liam Lawson et l'abandon de Isaac Hadjar et sa voiture en plastique. Il a dit en plastique en français, il a dit en Lego sur les autres. Il a dit en quoi sur les autres? En Lego. Ah, Lego. Bah, moi, le Lego, c'est solide. Hein. C'est vrai, mais là, ça n'a pas été. Alors, c'est vrai que ça a été une dérive qui a cassé sur son avant gauche. Et qui a mené à une crevaison ensuite. Et du coup, ça a un petit peu agacé notre ami Isaac. J'ai cru que c'était un Pirelli qui avait cédé à force de pas attaquer, mais finalement, non. Non, on voit bien effectivement la casse de la pièce très nette sur un vibreur. Après, bon, il prend le vibreur un petit peu comme un salopard, comme on dit. Parce que c'est vrai qu'il est vraiment. Sur celui-là, il le prend très très fort et on voit que la voiture casse nettement, c'est assez bizarre. Mais c'est dommage parce que la voiture était en plastique, mais Hadjar dedans, elle était rapide. Hein. Ça a roulé ce week-end, Racing Bulls. Sixième, il aurait pu faire sixième. Hein. Donc c'est vraiment super dommage, il avait tenu Russell derrière tout le long, il fait une belle qualif. Donc franchement, c'est dommage, encore une fois. Bon, ça a plein de regrets qui vont être atténués dès demain avec l'annonce... autour de sa future équipe, mais voilà, on était parti pour faire un super grand prix, hein, super grand prix pour Hadjar, en tout cas super super qualif, super super grand prix du dimanche. Voilà, c'est dommage pour Racing Bull parce qu'on n'en a pas, c'est peut-être assez parlé, mais Aston, avec les 8 points marqués par Alonso ce week-end, 2 en sprint et 6 en course, à 80 points, à 73 points, Racing Bull à 92. Donc voilà, ça sent quand même très très bon pour Racing Bull pour la 6e place. On ne voit pas Aston marquer 13 points, clairement. Mais cette bataille est toujours aussi serrée quand même au milieu, hein. Racing Bull 92, Aston 80, As 73, Sauber 68 points, donc c'est très serré. On a 2 points marqués par Lawson qui récupère qui sauve un peu les meubles et qui récupère un peu les débris dans tous les sens du terme, et c'était clairement moins impressionnant quand même du côté de Lawson que du côté d'Adjar. C'est vrai qu'il était un peu en réseau long. Et ce sera donc, si ça se confirme, que bon, je vois difficilement Aston aller chercher 12 points le week-end qui vient. Si la 6e place de. Bah, si les deux McLaren abandonnent. Oui, mais j'imagine que même si les deux McLaren abandonnent, et même si Verstappen abandonne, par exemple, je pense que Racing Bulls marquera plus de points qu'Aston, ou en tout cas en marquera autant. Et effectivement, ce serait que la 2e fois de son histoire que l'équipe de Faenza termine 6e du championnat, et ce serait le record égalé après 2021, qui avait été essentiellement dû à Pierre Gasly. Donc voilà, quand même une belle performance de la part de l'équipe. Quelques regrets quand même, parce qu'on se rappelle qu'en début de saison, les stratégies étaient catastrophiques, il y a eu énormément de points perdus. Alors je ne pense pas que ça aurait suffi à aller battre Williams, mais ça aurait pu être une équipe beaucoup plus proche de Williams et beaucoup plus éloignée du peloton que ce qu'elle a été. Donc un petit peu dommage, quelques points perdus dans route, mais globalement très bon. Et puis, sans parler de trop le week-end, mais plus en général sur le bilan de la saison, je pense qu'effectivement, Adjar a encore une fois convaincu que c'est lui le choix pour 2026 à mettre dans la Red Bull, et qu'à mon avis, pour moi, c'est un très bon choix. Je pense qu'il est prêt, en fait, même si on dit toujours qu'une saison de plus, ce serait pas une mauvaise idée d'avoir plus d'expérience. Je sais pas ce que t'en penses, Franck, mais pour moi, il est prêt. Et finalement, avec cette nouvelle réglementation qui arrive, c'est le moment, quoi. Ce qu'on dit depuis un moment. Oui, du coup, je reviens à ce qu'on disait en début de live, hein, c'est que s'il y a bien un moment pour propulser Adjar dans le baquet de la Red Bull à côté de Verstappen, c'est le changement de réglementation, c'est la remise à zéro des connaissances des pilotes en termes de pilotage et de technique de ces nouvelles F1. Même si elles seront certainement plus difficiles à piloter dans le sens de la gestion de l'énergie, gestion des modes aéro, gestion du déploiement de l'énergie aussi. Hein. Donc clairement, le pilote fera la différence autrement que par le simple coup de volant. Ça sera aussi de la technique de course. Et c'est moi, je suis assez impatient de voir ça aussi quand même, parce que mine de rien, ça peut nous. Parce que, les directeurs d'équipe ont commencé à en parler un petit peu. Ça va être vraiment la. Petit peu de voir des dépassements, des endroits inattendus parce que deux pilotes ne géreront pas l'énergie sur un tour de la même façon. Vous pourriez voir des dépassements sur des endroits pas forcément identiques entre les uns et les autres. Et ça peut être effectivement super intéressant parce que, soyons clairs, la Formule 1, ça fait comme des années et des années et des années qu'elle a beaucoup de problèmes en termes de dépassement. À part la toute première année de cette ère-là, en 2022, où ça se passait plutôt bien parce que les équipes n'étaient pas encore copiées les unes les autres, on avait eu plein de concepts différents. Et puis, et bon, après, c'était le jeu de nouveau, le jeu de. Voilà, plus c'était proche et moins on suivait facilement. Donc, j'ai hâte de voir ça. Du coup, je pense qu'Adjar a le niveau pour piloter au plus haut niveau. Maintenant, je me dis qu'avec cette gestion de la F1 là, Verstappen, hyper brillant, hyper intelligent aussi en termes de tactique, de course et de technique, pourrait aussi tirer son épingle du jeu sur un aspect encore différent, quoi. Donc, attention quand même à ça. Encore une fois, ça va dépendre du moteur. Hein. On va reparler beaucoup, beaucoup de moteur. Oui, aussi, c'est vrai. L'an prochain, on n'en parlait plus depuis des années, mais là, on va reparler. Si Red Bull est ce foire, clairement. Oui, ça peut être du milieu de peloton toute la saison. Hein. C'est pas impossible. Et après, on n'est pas à l'abri d'une très grosse surprise chez Red Bull, où finalement, Adjar sera au niveau de Verstappen. Alors, j'y crois pas trop, personnellement, vu la dynamique Verstappen, mais faut oublier que... Même Adjar, il dit qu'il n'y croit pas non plus. Hein. Donc, non. Il est réaliste. Hein. Mais c'est vrai que 2014, nouvelle réglementation, et Vettel était un peu moins à l'aise avec, et son équipier qui était débutant dans l'équipe, en l'occurrence Ricciardo, l'a battu. Donc, faut jamais dire jamais, même, si Verstappen me donne une image de solidité. Tu mets 20 balles ? Pas du tout, pas du tout. non, je dis que c'est pas impossible, mais comme je suis en train de le dire, pour moi, c'est pas un scénario réaliste. Mais voilà, après, la F1, elle regorge de surprises, et Verstappen ne sera pas imbattable indéfiniment. Faut pas oublier qu'à un moment ou à un autre, il se fera des. Il partira. Ouais. Non, mais il peut aussi partir au sommet, hein, comme d'autres l'ont fait. Ah, il partira au sommet, je pense. Je vois pas, je le vois pas détrôné par un pilote. Moi, je pense qu'il peut être détrôné, mais ça n'empêchera pas qu'il partira pas en creux. Je pense qu'il partira avant de. Bah, il fera pas ce qu'a fait Hamilton maintenant. Il partira pas ce qu'il fera pas ce que Schumacher. Il fera pas ce que Schumacher a fait en revenant. Je vois pas de creux venir du côté de Verstappen, moi, clairement. Peut-être que s'il gagne le titre dimanche prochain, il fait une Rosberg. Qui sait. C'est vrai que ce serait fou, ça. Ouais, Rosberg. Pas tant qu'il a pas un programme GT Endurance Le Mans sur pied et compagnie. Je sais pas. Avec Verstappen, je crois qu'il faut s'attendre à tout. Honnêtement. Vous ne voyez pas Max. Du coup, mes caisses re-annoncent ses pilotes. je pense qu'il est aussi intéressé et curieux de cette nouvelle F1. Donc je le vois oui, pas, je pense. Oui, évidemment. Forcément. Et puis en plus, bon, y a Ford quand même derrière. Qui, au moins faire une année avec lui, quand même, mine de rien, ça serait quand même pas mal. Et toutes les opérations qu'ils ont fait cette année. Ils ont banqué sur lui, la vache. Ils ont pas de moteur Ford encore. Hein. Chez Red Bull, ils ont un moteur Honda encore. Mais c'est clairement, c'est toutes les opérations, les activations qui se font avec Ford, avec des vannes, avec la Mustang GTD, avec ouais, plein de choses. C'est pas fait chier à conduire cette espèce de vanne. Une vanne électrique. Ouais, tout, ouais. Donc, non, c'est pas pour les planter là. Après. Voilà, on n'est pas dans sa tête à lui. Et clairement, il y a aussi sa nouvelle paternité, il y a aussi pas mal de choses hein, qui font qu'il pourrait prendre ce genre de décision aussi. Mais je vois pas, il aime trop la course, il aime trop. Il aime tellement ça qu'il en fait, il fait le simulateur à foison chez lui et tout. Je le vois pas quitter la F1 comme ça. Fait pas de la F1 une fin en soi, du coup, pourquoi pas. La bonne nouvelle, c'est qu'au pire, s'il part précipitamment et de manière totalement inattendue, ils ont tout le monde à mettre dans la voiture, donc au moins, ils auront toujours un pilote à la place. En tout cas, il faudrait pas lui faire signer la pole position au Mans, parce que après, en termes de balance of performance, c'est très bien. En plus, Ford va revenir au Mans, donc. Il y a un moment, et je pense que dans les 2 ou 3 ans, on le voit au moment. Il fera du simulateur entre ses relais. Oui, c'est ça, il n'ira pas dormir. Tu feras les 24 heures sur iRacing. Je me faisais chier. Bon, parce que pour ceux qui n'avaient pas vu, il avait quand même gagné une course en GT un soir de Grand Prix, un week-end à l'hôtel, donc en participant à une course de 24 heures sur iRacing. Voilà. Mais c'est vrai que là-dessus, on peut pas. S'il y a bien une chose qu'on peut absolument pas enlever à Verstappen, c'est sa passion absolue et totale. Passionné. Passionné. Non, mais. Le pilotage de la course, il a les deux passions. Ah ouais, il a un rapport à ça qui est rarement vu chez les pilotes, hein, franchement. Ou là où on voit pas mal d'autres pilotes dire moi j'ai besoin de temps où je fais pas ça et tout, lui c'est le pilotage. Bonsoir à Shadow Viewer Number 2. Qui poste pour la première fois dans le chat. On va passer à Sauber pour la suite de ce débriefing du Grand Prix du Qatar avec la 13e place de Bortoleto, l'abandon de Hülkenberg qui a causé la safety car de la mort pour McLaren. La safety car de la mort. C'est un burger de la mort. Parce qu'on l'a pas dit, mais Zach Brown avait comparé Verstappen à un personnage de film d'horreur, ce qui est d'ailleurs assez révélateur sur l'état d'esprit chez McLaren. Et Verstappen a dit, bah oui, il peut appeler Chucky, du nom de la poupée tueuse en série. Donc, ça a été relativement peu relevé, mais on a Chucky Verstappen qui est parti pour faire 2 nouvelles victimes la semaine prochaine. Arrête. Oh, on offrira le DVD de Chucky à Manu si jamais Verstappen gagne. Tu pourras m'offrir le DVD de la saison 2025 de F1, ça fera le même effet. Hein. Ça fera frisbee. Ce sera mon film d'horreur à moi. Putain, celui-là, s'il le perdent, je peux te dire que ça va être du tout ça pour là, ça. Tu vas passer l'hiver en 60 pouces en regardant Mon Petit Poney. Oh, toute la saison 2026, moi je fais plus que ça après. C'est Mon Petit Poney tous les dimanches et puis terminé. Vous ne verrez plus cette connerie. Non, mais c'est vrai que Poney, ça va rappeler Ferrari. On va être en mode déprime l'an prochain. Mon si petit Ferrari poney cabré. Pas, McLaren n'y arrive pas. Ah ouais, non, mais c'est clair. Vous allez nous voir tous les trois déprimés l'année prochaine. Mais moi, déjà, s'ils perdent, parce que bon, je suis en train de faire mon deuil de ce titre potentiellement. Mais j'ai quand même espoir qu'ils le gagnent. Si jamais ils le gagnent pas et que je me suis fait cette saison-là, quand même, qui a été une saison de stress et très longue, Pour ça, titre constructeur quand même, ça va. Hein. Mais tout le monde s'en branle du titre constructeur. Non, mais au bout d'un moment, faut dire ce qui est. Sauf Stella et Zach Brown. Oui, voilà, eux, ils sont très contents. Mais dans 20 ans, on dira putain, la remontée de Verstappen ou le titre de Norris, on dira pas ou la couronne de McLaren. Tout le monde s'en fout. Ouais, c'est clair. Mais voilà. Ensuite, regarde, on se parle bien de la couronne de Ferrari parce que ça fait un bout de temps qu'on oui, parce qu'il y a que ça, à penser. Mais non, mais en vrai, les titres constructeurs, ça ne fait plaisir qu'aux constructeurs. Mais ce que les gens retiennent, c'est les titres pilotes. C'est bien normal. En tout cas, les amis dans le chat, si vous pensez que votre vie est pourrie, venez suivre nos lives l'année prochaine. Ça vous donnera Alors déjà, venez potentiellement suivre Grand Prix lundi prochain, parce que ouais, c'est possible. Il est possible que je ne sois pas dans un très bon état. Non, mais bon. J'enverrai une camisole pour qu'il s'attache et qu'il ne se fasse pas de mal, Manu. Non, mais je vous dis, je suis en paix avec moi-même. Mais c'est vrai que... Hyper défaitiste, hein, Manu. Bah non, mais il faut en fait, ça va comment dire, pire pour préparer le pire. Ah, non, mais si tu veux, dimanche dernier, on finit le Grand Prix de Las Vegas. Moi, j'étais en train de me dire, bon, là, je crois que maintenant, il y a une bonne option sur le titre. Bam, double disqualification. Là, ok, j'encaisse. Là, le départ se passe, pas d'incident, tout ça. Premier, troisième, je dis, allez. Là, c'est bien. Bam, safety car. Pas double arrêt. Au bout d'un moment, il y a eu ça, il y a eu Baku, il y a eu, voilà, il y a eu Zandvoort. Ouais. Tu sais, au bout d'un moment, je préfère dire, voilà, je n'ai aucun espoir. Si ça arrive, tant mieux. Et puis ce sera bien comme ça. Au demeurant, l'avantage que j'ai, là aussi je suis en paix avec tout ça, c'est que, et je parle plus sur un ton général, mais c'est que je trouve que Verstappen aura totalement mérité son titre s'il le gagne, ouais. À l'exception d'un scénario catastrophique où la FIA lui donnerait par erreur, mais j'y crois pas, j'espère pas, ou alors il viendrait sortir son concurrent principal pour aller gagner et pas être pénalisé, tout ça, bon voilà, mais j'ai bon espoir que ça n'arrive pas. Mais dans l'état actuel des choses, Verstappen a totalement mérité son titre s'il l'a, donc au moins là-dessus, il n'y aura rien à dire et ce sera très bien comme ça. Et franchement, je préfère, voilà, après, c'est juste que McLaren pourra se manger les dents d'avoir à ce point-là. Du coup, c'est un titre pilote pour Verstappen. C'est une hypothèse, hein, t'inquiète pas. On dit quoi? On dit, du coup, que Horner a un demi-titre en plus et Mekies a un demi-titre? On fait quoi? Moi, je propose qu'on arrête de parler d'Horner quand même. On dit Mekies a un titre. Et puis, en plus, sachant que, quand même, au moment où Horner est parti, la situation est catastrophique chez Red Bull. Donc, clairement. Même si Mekies n'a pas toutes les clés et tout ça, le fait est que depuis qu'il est là, ça va quand même vachement mieux. Et lui aussi, d'ailleurs, a été un peu comme New West chez Aston, dont on parlait tout à l'heure, a été en mesure d'apporter des solutions quand il y a eu besoin chez Red Bull. Yes. J'en reviens à Sauber, avec la 13e place de Porto Vito, l'abandon de Hülkenberg. Pas grand chose à dire sur Sauber, globalement. Pour Hülkenberg, victime de Gasly, surtout. Mm. Ouais. Gasly, il élargit beaucoup trop là. Il a la chance de ne pas être pénalisé, hein, Pierre, de ne pas avoir de... Ah, et puis quand même, Hülkenberg, il bat de nouveau Bortoleto, la tendance se confirme. Après, Bortoleto fait une bonne course, hein, il part 19e. À cause de sa pénalité de Las Vegas, il finit 13e, donc c'est plutôt correct. Hein, il n'a pas fait de bourde, hein. C'est pas la première fois depuis deux compris. Mais chez Sauber, ça va peut-être tranquillement se diriger vers la 9e place. Après, c'est serré, hein, ils ont 5 points de retard sur As, c'est possible, encore, mais ça risque d'être trop tendu. Devant Abu Dhabi, on en vient là. Ouais, faut pas oublier qu'après, Abu Dhabi 2021, on l'oublie souvent parce qu'on parle beaucoup de l'éléphant dans la pièce, mais Tsunoda et Gasly font 4 et 5 pour AlphaTauri, ils mettent 22 points pour AlphaTauri, hein, donc c'est pas impossible d'avoir une équipe de milieu de plateau qui marque beaucoup de points quand même à Abu Dhabi. Avec une safety car mal placée, une mauvaise décision, enfin voilà, ce genre de choses, ça peut vite arriver. Voilà pour Sauber. On va passer. J'ai acheté le DVD, toi de Chucky. On va passer à... pour ceux qui. Pour vous dévoiler les coulisses. Il y a les t-shirts Chucky. Pour dévoiler les coulisses. Pour... Alex m'envoie des photos. Pour lundi prochain, un t-shirt de Chucky. Je ferai un montage Chucky Verstappen pour la première. On mettra des poupées de Chucky dans la chambre de Manu quand on dormira le soir. Si Verstappen est champion, je fais un t-shirt Chucky Verstappen pour la première émission de 2026. J'essaierai de faire ça par quelqu'un. On va parler d'Alpine, justement, puisqu'on parlait de Gasly. Alors, j'ai mis Gasly P16, mais oui, c'est vrai qu'il voit quand même l'arrivée. Hein. Je croyais qu'il a abandonné la fin, mais non. Il termine dernier, Colapinto termine 14e. Alpine qui sécurise la 10e place. Oui, bah bravo. Nous dit-on, c'est bien vu. Très bonne formulation, Yves, bravo. c'est quand même bien. Ou devant Kenrick. devant Caterham. ouais, bah voilà, hein, Alpine. Alors, moi, je voulais quand même, j'en profite à la page Alpine pour pousser un coup de gueule contre la FIA. Mais Gasly a été mis sous enquête pour un retour en piste dangereux au premier tour parce qu'il est passé dans les graviers. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi hier ça les a piqués à ce moment-là. Quand il revient en piste, il revient vraiment sur un autre pilote comme s'il n'était pas là. Ouais, mais en fait, il vient de passer dans les graviers, donc je pense qu'il essaie juste de ne pas perdre la voiture, quoi. Enfin... Non, mais c'est quand il revient, il reprend sa trajectoire alors qu'il y a un autre pilote qui était vraiment là. D'accord. C'est vraiment pour ça qu'il le. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est vraiment. On le voit hein, sur le côté un petit peu. C'est vrai qu'après, on n'a pas trop vu les replays, mais je pense que c'est pour ça. J'étais un peu sceptique qu'il soit mis sous enquête comme ça, alors que ça arrive à tous les grands prix et qu'on y a c'est littéralement bien jamais. Quoi, merci à la FOM de ne pas nous montrer avec la totalité de l'action sous tous les angles. Ah ouais, vaut mieux attendre les bonnes déclarations. Surtout qu'il y a eu énormément d'action sous ce grand prix en plus. Donc, C'est vrai qu'ils n'avaient pas le temps de chercher les bonnes images. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, bah, après Alpine qualifié 19 et 20 au sprint. Au qualif du Grand Prix, Gasly nous sort une Q3, oui, sa voilà. Dixième de l'année, je crois. En tout cas, on ne sait pas d'où il la sort, mais il la sort quand même. Vraiment incroyable là-dessus. La résilience et la capacité à Gasly à aller chercher toutes les performances possibles avec cette voiture. Bravo à lui, parce qu'encore une fois, ouais, qualifié 19e la veille, il fallait chercher cette 9e place devant Leclerc notamment. C'était assez impressionnant. Et puis, bah, pas de bol, effectivement, en course, ça ne s'est pas bien passé avec cet accrochage. Et une dernière place. Voilà, je crois qu'après, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Alpine. Si ce n'est quand même que je pense vraiment que quand je vois la voiture là sur un circuit avec beaucoup de grip et tout, où le moteur n'est pas non plus le truc, je pense quand même qu'il y a vraiment des gros gros problèmes sur cette voiture et qu'ils ont beau nous dire que tout va être réglé en n'ayant plus un moteur Renault derrière, je pense que ce ne sera pas le cas. Et ouais, plutôt... Attention à l'effet McLaren qui se débarrassait de Honda pour s'apercevoir que le problème, eh ben, c'était pas le moteur Renault. Exactement. C'était pas le moteur Honda. Voilà. Et le No Weekend Fight d'Alonso qui finalement se prend une saison pourrie derrière. On s'en souvient encore. Et puis pour Haas, 15e place d'Esteban Ocon, dernière place de. Enfin, abandon, pardon, d'Oliver Berman. Ocon a été pénalisé. Enfin bon, là c'est pareil, ça a été une course compliquée pour Haas. Moi je. Ouais. Vas-y. Moi je retrains l'interview d'Ocon après les qualifs où il dit il y a un problème fondamental sur ma Haas depuis quelques courses. Ce qui expliquerait effectivement qu'à part Las Vegas, mais où c'était des qualifs sous la pluie, bah, il se fait quand même mettre la misère par Berman hein, en qualif. Ça, c'est un peu triste à voir. Alors, est-ce qu'il y a un problème fondamental ou pas sur cette Haas? Ça expliquerait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ce discours était cohérent, parce que disait ce serait plus un problème en qualif, parce que c'est vrai qu'en course, l'écart tend à s'atténuer. Et c'est vrai, on le voit. Voilà, on ne sait peut-être pas des choses. Ou alors, en tout cas, ce serait rassurant pour Ocon, parce qu'effectivement, là, c'est encore une fois, c'est Berman qui est devant Ocon et qui sent, bah, pour le coup, la misère, c'est son équipe qui lui la met au stand. Et sans son arrêt au stand catastrophique, il était bien parti pour faire un top 10. Alors, Sobret Etiquette demande, Grosjean n'avait pas dit quelque chose de similaire en son temps sur sa Haas. Alors, c'est différent. Grosjean disait que l'évolution rendait la voiture très mauvaise. Et il avait raison. Et Styler lui disait non et tout ça, et effectivement, il avait raison. Mais c'était un peu différent. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, Ocon, ça expliquerait que s'il y avait vraiment un loup sur sa voiture, ça expliquerait le pourquoi c'est compliqué pour lui. Pourquoi Ocon n'a pas exigé un châssis différent au cas où, nous demande Yves. Sur une fin de saison d'une dernière réglementation, c'est compliqué de demander un châssis pour deux courses. Ouais. Non, mais on peut peut-être reprendre effectivement une ancienne coque et remonter une voiture en inspectant tous les éléments. Effectivement, s'il y a vraiment une suspicion d'une pièce cassée quelque part à l'intérieur de la voiture, ce qui peut arriver, hein. Ça s'est déjà vu, hein, un amortisseur ou autre chose, quelque chose qui est détecté parfois une ou deux courses après. Mais... Je pense que c'est quand même une des premières choses que les ingénieurs vont vérifier. En tout cas, c'est pas une pièce style amortisseur, suspension, ce genre de choses. C'est assez flagrant, en tout cas. Après, il y a un châssis, s'il est fissuré ou autre. Je suppose qu'ils ont un moyen de le voir aussi, quand même, à chaque démontage-remontage qu'ils font. Donc, Oui, normalement, il y a quand même. Puis, clairement, comme tu l'as dit, c'est pas là. Je pense pas que ce soit la priorité actuelle en termes de budget et de concentration de l'équipe. Ça, c'est clair. Le pourquoi du comment. Ça c'est certain, c'est sûr que oui, comme dit Yves, Ocon n'a pas oublié comment piloter, donc il y a un truc qui ne va pas. Après, ça a peut-être perdu la 7e place à ce Grand Prix quand même. Clairement, parce que c'est vrai qu'Aston a marqué des gros points et eux n'ont pas réussi à être dans le top 10. Et Alonso, hein. pas Stroll. Oui. On en a même pas parlé, je crois, de Stroll d'ailleurs. Non, on est directement parlé de Newell, mais c'est vrai que bon, Stroll n'était pas, il n'y a pas grand chose à dire sur lui non plus. C'était le, bah c'était nul, c'était terrible au début. Là. Allez, ah, voilà. Que là, il y a quelque chose à dire sur lui. Il avait dit. Ah oui, non. C'est pas que là, il était transparent, c'est qu'il était vraiment perdu hein, par rapport. C'est vrai que c'est souvent le cas, c'est les week-ends où Alonso est le meilleur que Stroll passe vraiment pour un mauvais pilote, malheureusement. Pour et puis, lui. Si, oui, a soufflé juste les bons réglages à Alonso et pas à Stroll, histoire de pouvoir te dégager plus facilement l'année prochaine. théorie du complot. Donc, après, hein, vas-y, fonce, n'hésite pas. Si t'en as d'autres. Hein. Et, on attend lundi prochain pour les autres. Oui. Ah ben, ça sera peut-être pas des théories du complot, ça sera peut-être du complot complet. et puis voilà, donc en tout cas effectivement As, ça semble un peu compliqué de faire. On s'est fait recadrer dans le chat, hein. On revient sur As. Ben, en même temps il n'y a plus grand chose à dire sur As, donc je pense qu'on va pouvoir conclure cette émission. non mais c'est vrai qu'après As, bon voilà, hein, c'est, le week-end a été assez compliqué, mais de toute façon ils seront à mon avis 8e. Je vois difficilement, la voiture est un peu en souffrance quand même en ce moment, je vois difficilement aller chercher les points qui leur permettraient de repasser devant Aston. Donc voilà, mais bon, c'est pas non plus une mauvaise saison pour As, il y a eu quelques belles performances. Non, tout ce petit monde se tient bien dans le même à part Alpine évidemment, mais tout ce qui va de la 6e à la 9e place, 6, 7, 8, 9, c'était bonnet blanc et blanc bonnet sur pas mal de Grand Prix des fois, donc ouais. Ouais, c'est quand même un gros loupé opérationnel pour As ce week-end. À part Sauber qu'on voyait peut-être pas revenir autant, dans ce groupe-là. Oui. Williams qui a quand même sécurisé assez rapidement sa 5e place, on va dire. D'ailleurs qu'il l'a fait 7 à ce... Là, hein. Ils peuvent plus être rattrapés pour la 5e place. Exact, oui. Williams, on a oublié de le dire. C'est vrai. Pour eux, c'est déjà bon. Pour eux, c'était déjà probable parce qu'on voyait difficilement Racing Bulls faire un doublé, mais effectivement, là, maintenant, c'est comptablement validé. Effectivement, ce groupe-là, en tout cas, ça aurait été une belle lutte tout le long de la saison. Là, ça s'est un peu décanté sur les deux dernières courses, mais on aura bien suivi cette lutte. Vous avez pu la suivre sur NextGen Auto de manière très très précise. Et puis voilà, on en a souvent beaucoup parlé dans l'émission parce que c'était quand même assez intéressant. Et effectivement, ça aurait été un des axes intéressants de la saison au-delà de ce qui s'est passé dans les top teams et qui doit encore se passer du coup, puisque on le rappelle, dimanche sera attribué le titre de champion du monde à un des trois leaders du classement. Donc c'est la première fois depuis 15 ans qu'on a trois candidats au titre à la dernière course. Messieurs, ça va être le moment de faire des pronostics. On va déjà regarder les pronostics du Qatar avant de faire des pronostics sur le champion du monde et la course. Non, on peut passer directement. Non, je suis pour moi. Non, franchement, il est déjà tard. Alors, Alex. Tu avais mis Norris, Verstappen, Leclerc. Alors, on te salue. Salut ton optimisme, on salue ton envie d'y croire. Bah, Franck avait mis Hamilton sur le podium à Las Vegas, donc. Oui, bon, bah voilà. Voilà. Non, mais je me suis laissé un peu de flexibilité, quoi. À défaut de faire des vrais podiums, ils font des podiums virtuels au moins avec nous. Ah, c'est ça, ils en font chez nous, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça fait un pilote mal placé. Franck, tu avais mis Verstappen, Piastri, Norris. C'est pas mal. J'ai le doublé. C'est pas mal. T'as le doublé. T'as un Sainz prêt, t'as le trio, donc c'est pas mal. C'est ça. Et moi, j'avais mis Norris, Verstappen, Piastri. Ça s'est pas très bien. Ça aurait pu être pas loin, mais bon, voilà, c'était. Au moins, j'avais les bonnes forces en présence, ouais. J'avais bien imaginé le trio. Tu vis toujours dans le monde parallèle où c'est bon, c'est plié, Abu Dhabi, c'est pour du beurre. C'est vrai. L'enjeu, c'est la 7e place au constructeur. Ah là là, que je suis naïf. Donc, messieurs, quels sont vos pronostics? Parce que normalement... C'est Franck qui a gagné, donc c'est Franck qui commence. Allez, vas-y. Allez, je vais être joueur. Verstappen, Norris, Piastri, titre pour Norris. Course sans drama. Voilà. Alex. Verstappen, Piastri, Norris. Ouf, l'écart va être serré. toi, tu veux que je finisse vraiment boulot. Parce que j'ai envie qu'il le fasse proprement, je vais dire Norris, Verstappen, Piastri. Oh. Voilà. Parce que j'ai envie qu'il le... J'hésitais aussi avec un truc comme ça, mais bon. Qu'il le gagne avec la manière et puis que... Voilà, donc, aucun invité surprise sur le podium. Non, il n'y aura pas. Il faudrait bien quand même qu'il y ait une course qui se passe à peu près normalement depuis le temps, quand même. si vous avez vu le film F1, il n'y aura pas Sonny Hayes sur le podium. Et pour rappel, il va faire beau, quoique. On ne sait jamais. C'est vrai que statistiquement parlant, là, depuis quelques courses, quand même, il y a toujours eu des rebondissements un peu dingues. Donc, ouais, ça c'est sûr. Une course qui va se passer. Déjà, même Verstappen devant Norris, c'est quand même pas logique sur un circuit comme Abu Dhabi. C'est déjà presque une anomalie, on va dire. Mmh. Ouais, mais peut-être que Verstappen peut sortir un tour qualif génial et après il le tient derrière. Mais bon, je pense que Verstappen, Piastri, ça me paraît pas mal. Ouais. Et Molus nous demande les pronos, c'est avant ou après les classements par la FIA? Après. Après, évidemment. Après, parce que sinon, on n'aurait pas eu le double podium de Mercedes à Las Vegas. S'il y a disqualification, je vais éventuellement, genre, Leclerc par sa 8e place sur tapis vert. Tu vois. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était le 23e des 24 Grands Prix de la saison 2025 de Formule 1. Alors, c'est vrai que pour les fans de McLaren, c'est un peu un coup dur d'aller jusqu'au bout dans la lutte. Pour les fans de Formule 1, et y compris les fans de McLaren, c'est quand même quelque chose de super chouette de voir une saison se terminer avec trois candidats au titre dans une dernière course qui va être à ne pas manquer là pour le coup. On n'est pas forcément du genre à vous faire la promo du Grand Prix d'Abu Dhabi en règle générale, parce que c'est pas le circuit qui amène les courses les plus folles. Néanmoins, ça promet d'être quelque chose de fou à suivre et de très tendu jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Donc, soyez bien devant Next Gen Auto dimanche ou devant vos écrans ou devant les deux, parce qu'on essaie de vous apporter... En tout cas, toute la semaine, hein, en termes de news, la pression va monter. Et, la pression va évidemment. On vous en voudra pas si vous êtes... Voilà, on vous en voudra pas si vous avez Canal et que vous regardez la télé, évidemment. Pour ceux qui n'ont pas le choix, je pense que tout le monde va trouver un moyen de voir cette course en direct à la télé, quand même. Donc, mais au moins, voilà, toute la partie avant. Dès demain matin, à 7h30, la présentation du Grand Prix avec les enjeux et tout ça. Et puis, les annonces Red Bull Racing Bulls. Et voilà, ah oui, effectivement, ne pas louper effectivement la confirmation. Hein, voilà, on va pas survendre le truc, mais la petite inconnue de Tsunoda, quand même, savoir quel sort va lui être réservé. Et puis après, les présentations, les petites news, tout ce qui va bien jusqu'à 14h dimanche. Voilà, jusqu'à 15h samedi, déjà, avec la première réponse. Molo 110. Pour le coup, ce sera aussi rendez-vous au dernier virage, que la fiabilité aura évidemment un rôle absolument crucial selon la position effectivement des pilotes. Tant que la ligne d'arrivée ne sera pas franchie, on ne pourra pas dire. Je compatis avec Thierry qui est comme moi apparemment fan de McLaren et qui nous dit dans le chat depuis tout à l'heure qu'il va mourir avant dimanche. Donc, courage, prends du Lexomil. Oui, parce que Norris sera éliminé en Q1. Arrête. Parce que il n'est pas passé loin d'être éliminé en Q1 d'ailleurs. Oui. Non mais le Qatar c'est quand même assez compliqué et Norris n'a jamais été historiquement aussi bon que Piastri. Donc, je n'étais pas surpris de le voir un peu plus en difficulté. J'étais même surpris de le voir plutôt bon parce qu'il a fait une erreur. Tu essaies de te rassurer là, Manu. Non, avant le week-end, j'étais un peu. J'avais mis en victoire pour que le titre soit validé, mais j'étais un peu inquiet quand même. Après, Abu Dhabi, c'est. Et là, tu l'as mis en victoire. Parce que j'ai envie qu'il gagne. Parce que de toute façon, tu sais que le titre est perdu, donc voilà. Non, pas encore. Il part quand même avec 12 points d'avance. Ça suffit pas à être à l'aise, en tout cas. Mais même avec 24 points, quoi. Bah, 12, si, il peut même finir 3ème, il est tranquille, quoi. Ouais, oui, c'est sûr que normalement, il a... Même si Piastri a envie de l'emmerder et pas lui laisser passer, ça lui suffit s'il finit 3ème, si Verstappen gagne. Donc. C'est vrai qu'il l'a fait 17 fois cette année, hein, de finir sur le podium, donc normalement, c'est une formalité. Hein. Molo demande une dernière question. On ne parle plus de la course réservée aux jeunes après la fin de saison. Pas du tout cette année, puisque là, ce sera les essais pour 2026, le plus important. Il y aura les mulets. On avait parlé la semaine dernière. Il y aura les mulets qui ont servi aux essais de Pirelli pendant toute la saison, qui seront du coup amenés par chacune des équipes pour un des pilotes titulaires, ou parfois les deux, hein, s'ils font rouler les deux pilotes dans la journée. Oui. Et l'autre voiture qui sera celle qui aura roulé à Abu Dhabi, enfin une des deux qui aura roulé à Abu Dhabi le dimanche en Grand Prix, qui sera réservée du coup aux jeunes pilotes. Et on verra aussi pas mal de jeunes pilotes en piste dès vendredi. Notamment bah, Piastri, par exemple, ne roulera pas en numéro 1, ce sera Pato Ward. Ah ouais, la théorie du complot va en revenir là. Les sénateurs australiens vont sûrement s'en emparer. Yuki Tsunoda laissera sa place justement à Arvid Lindland. Demain. Ah, le coup dur. Ah, il fallait bien choisir un grand prix où vous le faire. Hein. C'est le plus logique. Hein. C'est clairement le plus logique. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Et ben, en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir été là pour cette émission. Vous avez été nombreux et nombreuses. Ça fait plaisir. Et puis, restez bien sûr avec Genoto toute la semaine pour cette dernière semaine de la saison qui va déboucher sur une finale qu'on attend folle, encore une fois. Et puis, merci Franck. Merci Alex. Merci à tout le monde. Et vite dimanche. On rappelle que et lundi prochain. Ça va être très vite sur YouTube d'ici un bon quart d'heure. Ensuite, sur les plateformes en podcast aussi, pour ceux qui ont loupé le début, notamment notre grosse séquence Red Bull et McLaren. Voilà. Tout à fait. Et puis, comme le dit Yves, merci pour le live. Et effectivement, pour ceux qui n'auraient pas fait un abonnement à Amazon Prime, ne coûte rien si vous avez Amazon Prime. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Et puis, on se retrouve lundi prochain, évidemment, pour le dernier débriefing de Grand Prix de la saison. Après, il y aura sûrement une autre émission, ou en tout cas, il y aura peut-être quelque chose en janvier, mais en tout cas, en termes de débriefing, ce sera le dernier. Et j'espère avoir un grand sourire, mais on verra. Voilà. Passez une bonne soirée, bonne semaine, et à très vite. Ciao, ciao. Bye. Ciao.